J'adore le son et j'adore ma voix. Est-ce normal, docteur? Aujourd'hui, on va s'en reparler, faites-vous-en pas. Aujourd'hui, le lundi 6 janvier, non, mais non, 13 janvier, le temps passe. Attendez, madame, attendez. Aujourd'hui, le lundi 13 janvier 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Laissez-moi vous raconter une belle histoire, mes amis. Comment ça va? Ça va bien? Les enfants à l'école? Mais le petit dernier? Sa petite dent à ta... Ah oui! Ah! Oh, mais c'est tout rouge avant! Ah, oh, ça, c'est triste. Moi, ça me fait souffrir. Voir des êtres souffrir à n'importe quel âge, je me sens comme ce fil Ariane entre la douleur de l'humanité et celle de la personne que je vois souffrir. Je suis comme ça. C'est peut-être une maladie, l'humanisme, et j'en souffre et j'en suis heureux. Alors, donc, quand j'ai voulu faire cette émission du 13 janvier, aujourd'hui, maintenant, à l'heure où on se parle, me suis dit quelque chose. Moi, là, je me dis beaucoup d'affaires. C'est pour ça, peut-être, que je suis insomniaque. J'ai toujours des brides d'histoire, j'ai des réflexions, j'ai même, quand j'ai de la difficulté à m'endormir, je me pars une improvisation. Donc, comment tu veux t'endormir quand tu t'actives les sens, les méninges? Là, je me suis dit, minute, mon homme. J'aime pas ça m'appeler mon homme. J'haïs ça. Je préfère le garçonnet. Parce que ça sonne un peu comme cochonnet. Nait ou niais. Ah ouais, mon imbécile! Si t'as difficulté à dormir, continue à réfléchir! Au lieu de compter des brebis. Parce que moi, je compte plus de moutons. Je suis allergique à la laine. J'éternue. Fait que, ça fait 3 semaines que j'essaye d'avoir un sommeil profond. Pas capable. Puis on dit pas capable et pas dans le dictionnaire. C'est certain. C'est pas un mot pas capable. C'est deux mots. Il y a pas puis capable. Si tu vas voir capable, il est dans le dictionnaire. Si tu regardes pas, il est dans le dictionnaire. Puis si tu regardes pas, ben, t'auras pas de problème. Ça fait que... hier au soir à Saint-Dilon, il y avait pas grand-chose à faire. Mais là, il y avait quelque chose à faire, là, ce soir. Une émission de radio. Donc, mon questionnement dans l'autobus avant d'arriver ici, c'était de me dire dans quel studio vais-je, proposais-je une improvisation à la hauteur de mon inconscient collectif? Est-ce que c'est dans le studio des Abeilles? Ou si c'est dans mon studio, mobile, dans mon salon. Comme il est tard et que c'est pas une journée, parce que je tiens à vous dire que y a des petites cachetteries qui se passent, là. Comme en politique. Pas bon de tout dire, là. Mais ce soir, il y a des gens qui habitent en haut de chez moi. C'est pas des. C'est une maison mini familiale. C'est tellement mini. Ah mon doux. Il y a une mère, 3 prétendants, son mari, puis à travers ces prétendants-là, ben là, il y a l'amant, puis tu sais, tous les artifices ou le plaisir qu'une femme veut avoir dans sa vie avant de trépasser, quoi. On n'est pas fait pour s'emmerder, là. Bon, fait qu'en haut, tout ce monde-là habite. Quand je dis habite, là, dans habite, là, il y, y y a app, puis l'autre, là. Il y en a de là. Moi, je suis en bas. Moi, je suis en bas. Ça, c'est le côté créatif. Quand tu descends, attends-toi à monter au niveau intellectuel. Puis quand tu montes en haut, descends-toi à baisser au niveau intellectuel. Mais sexuellement, c'est tout à fait plafonné, là. Et ça, ouais. Kamasutra, là, c'est une blague, là, hein. Eux autres, là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de gêne. Il n'y a aucune gêne, puis même à travers le gêne, on dit, tu sais, les gênes. C'est important, les gênes, croiser les bons gênes pour faire des beaux enfants. Eux autres, ils ne se préoccupent pas de ça, puis tout le monde, ils swing ta compagnie, puis boit la bocotte dans le fond de la boîte à bois, roule la babine et poune la pine. Bon, il y a pas mal de lapines. Il y a trois lapines et puis ben des louveteaux qui font la ronde. Hein? La ronde joyeuse. Très joyeuse. Et puis, donc, moi, là, ce soir, je me retrouve en bas. Tout ce beau monde-là dorme actuellement. Ils sont épuisés, voyons donc. Peupler le Québec, c'est pas facile, là. Puis moi, si je me place dans mon studio des abeilles, en haut, c'est les chambres ou la suite de chambres. Ou le dortoir. Quand tu parles de dortoir, tu sais, c'est, tout le monde dort ensemble. C'est comme dans des auberges de jeunesse. Avez-vous déjà visité des auberges de jeunesse? Encore mieux, avez-vous déjà couché dans une auberge de jeunesse? Bon. À l'origine, c'était pour les jeunes. Mais aujourd'hui, comme ça coûte cher, puis les gens veulent voir du pays, puis voir des pays qu'ils ne connaissent pas, puis franchir des sentiers qui, pendant toute leur enfance, les titillaient, ben, ils n'ont pas les moyens, si l'habitation est trop chère, de voyager. Mais dans des auberges de jeunesse qui n'acceptent pas que les jeunes, c'est merveilleux. Merveilleux. Il y en a certains, si vous allez à Paris, il y a le Peace and Love. C'est une auberge de jeunesse, Peace and Love. Très bien situé. Et puis, il y a un cahier. Et dans ce cahier-là, ils n'acceptent que les gens de 30 ans et moins. Ils ont quand même la jeunesse assez large, là. Pour moi, c'est 18 et moins, là. À une certaine époque, là, en 89, quand j'ai fait mon voyage là-bas, il fallait avoir 18 et moins. Même, on devait certifier avec une carte que l'on devait se munir dans un magasin où l'on vendait des articles de voyage. Je le nommerai pas, mais hein, ça, il existe encore, je crois. Et puis, un peu comme une carte d'identité, avec nom, puis l'âge, certifié l'âge, ça. Aujourd'hui, c'est pas ça, là. Si t'as 30 ans et moins, puis t'es au Peace and Love, on te demande uniquement de signer le livre, de donner ton nom, de donner le numéro de ton passeport et ton âge, ben ton année de naissance. Puis moi, ben à l'époque, parce que avant que je me place à la même place pendant tous mes voyages jusqu'à maintenant, où est l'endroit où je me dirige à chaque voyage là-bas? Sur la rue des Abeilles. Mais moi, c'est juste à côté des Abeilles. Ça s'appelle Aristide Bruant. Il y a une auberge de jeunesse qui est là. Et je peux faire de la publicité, ça ne dérange pas, là, voyons donc. Et puis, donc, quand je m'en vais rencontrer mes artistes, ben, j'ai juste à monter la petite côte. Donc, en 45 secondes, si je me réveille en retard, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Pour arriver au café Bruant qui est juste sur le coin, ben je me réveille, et je sors mes magnétos, je mets mon magnéto à mes deux magnétos à enregistrement et je monte la côte. Et là, bien sûr, les yeux tout gommés, puis tu te réveilles, ça dépend ce que la veille t'a fait, là. Hein? Normalement, c'est pas assez. Swing la veille, il y a toujours des spectacles après, ben tu t'épivardes, t'es à Pigalle, t'es partout, ça, t'as du plaisir. Donc, cette histoire-là veut juste arriver au fait que on vit seul actuellement. Non, mais c'est quand même. Ouais, je sais que l'introduction est très longue. Je pensais pas m'en aller là, moi, là. Mais on m'a laissé un chemin, puis quand on me laisse un passage, je l'occupe avec grand plaisir. Donc, on veut pas vivre éternellement seul, la majorité. Quand t'es bien avec toi-même, il n'y a pas de problème, là. Puis, t'as des à côté, tu peux avoir des petites rencontres sans vivre en couple. Mais il y en a qui veulent, la majorité, là. Quand je dis la majorité, ça veut dire, j'ai pas fait de recherche, là. Je suis pas sociologue. Mais 95%, on va dire. On va laisser 5%. 95% tiennent à vivre en couple. Pour plein de raisons. Souvent économique, mais pour ne pas vivre seul, comme le chantait Dalida. Et puis, là, je vous parlais de mon studio. Là, j'avais le choix entre celui des Abbesses, qui est dans le grand studio que j'enregistre mes émissions Errance Rinaldienne. Mais en haut, c'est les chambres. Et il y a ici, dans mon salon, avec mon petit équipement, mais tout à fait sophistiqué. Le son, écoutez, c'est Surround Digital Dolby. Là. Surround Digital Dolby. Si vous mettez des écouteurs, là, ça va tourner partout. Vous allez être étourdi, vous allez vomir. Fait que je vous conseille fortement de prendre ça sur votre radio traditionnelle et puis ayez du plaisir et on commence notre spectacle. Pardon? Ça fait déjà 11 minutes que... Ben voyons donc, ouais. Ça fait 11 minutes que je parle à un public très intéressant et intéressé. Oh, bonjour, mademoiselle. Mon nom, c'est Renal. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Mais là, les talons hauts, là, c'est très dangereux pour le dos, hein, mademoiselle. Je vous conseille fortement, comme John Birkin, la godasse. La godasse ou le soulier, comment t'appelles ça? Le soulier de sport. Chez nous, on appelle ça... comment t'appelles? Des run... Non. Des souliers de marche. Voilà. Oh. Mais je suis sûr que c'est pas ses cheveux naturels. Non, il se passe des affaires ici, mais c'est pas important. Là, oui, c'est ça. Donc, on veut pas vivre seul. Quand on veut pas vivre seul, on se cherche quelqu'un. Et pour une première rencontre, je vous conseille très fortement d'éviter les côtes levées. Entre autres, la salade aussi. Quand il faut se rentrer ça dans la bouche, puis travailler un peu pour avoir l'air intelligent puis parler, la salade et les côtes levées, je mettrais 3 points de suspension. D'après vous. Non, mais on peut... Oui, il y a quelque temps... C'est pas mal, il y a quelque temps, il y a à peu près 35 ans. Hey, moi, il y a quelque temps, là... Ah, ça fait pas 2-3 heures, là, ça fait 35 ans! Non, mais j'avais invité une demoiselle que j'avais rencontrée dans mon milieu de travail. Quand tu travailles avec le public, c'est facile, là. Des gens qui se proposent à toi, qui se présentent à toi, il y en a qui fonctionnent vis-à-vis de tes allégeances et d'autres un peu moins ne correspondent pas à tes à ce que tu veux. Donc, ça, avez-vous senti le pataugeage, là? Oui, exactement. Il y avait une petite hésitation au niveau des mots. Non, mais je veux pas blesser personne, puis je veux trouver la phrase ou le terme avec une exactitude la plus précise, un peu comme les montres suisses. Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller, des fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. Entre mes rêves de superstar et mon enfance en Super 8, j'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite. Ouh, penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Je veux croire en la beauté du monde, mais des fois j'ai peur pour ma fille. Des fous, des méchants, puis des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. C'est fou pareil, c'est pas bizarre de grandir dans un monde jetable. Je veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière? humains les plus tristes, les discours sombres et pessimistes. Je leur laisse les histoires de peur, ces fouquetaires viennent de terreur. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Dans les heures sombres, cherchant mon souffle et mon élan, pourrais-tu retrouver mon ombre et ma lumière en filament? Et si jamais tu perdais pied, je glisserai ma main dans la tienne. Je te ferai du feu puis du café, je veux croire en la nature humaine. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contrebande? Ouh, penses-tu qu'on peut ensemble faire plus de lumière que de cendre? Faire que le noir trouve jamais sa chambre. Ça, c'est une belle écriture. Ça, j'adore. Alors donc, ce que je veux vous dire là-dessus concernant les premiers repas... Oh, il se passe quelque chose. C'est que lorsque vous êtes au restaurant, vous invitez la demoiselle à venir manger parce que quand on discute, hein, lorsqu'il y a des aliments, bien, ça peut être intéressant. On se libère davantage. On est plus apte à se libérer de tout ce qui nous enchaîne. Donc, on est d'une liberté presque absolue. Mais là, il faut aussi se dégager du paraître pour arriver à l'être. Ça, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de cours là-dessus, là. Ça demande un cheminement. Un cheminement. Dans le cheminement, il y a chemin. Il y a réflexion. Même si ça sonne pas, là, hein? Cheminement, il n'y a pas... Oui, mais Mme Thibodeau, moi, j'ai analysé votre propos. C'est pas Mme Thibodeau, c'est Reynald. Oh! Je me trompe de personne. Légèrement. Légèrement, beaucoup. Légèrement, énormément. Légèrement, énormément. Ça, l'énorme... Oui, quand c'est énorme, c'est gros, hein? C'est... Oui, mais quand il y a gros... Il y a grotesque. Vous avez raison. Excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer. Avec quoi? Avec ma salive, c'est merveilleux. Alors, donc, oui, c'est ça. Quand tu t'en vas rencontrer l'autre pour il y a comme un silence, là. Pour l'osmose. Pour savoir si ça va communiquer, si ça va se toucher. Mais là, je parle même pas physique, là. C'est touché au niveau intellectuel, au niveau émotif. Est-ce qu'il va avoir la flamme? Le Saint-Esprit va-t-il descendre? C'est ça, en un mot, le Saint-Esprit va-t-il descendre? Puis s'il est occupé, c'est dommage, là, parce que moi, je voudrais là, que ça arrive, là. Fait que là, t'essayes de l'appeler sur ton cellulaire. Mais moi, j'ai un vieux cellulaire. Ouais, le téléphone, pas de fil, là. Et on peut faire des SMS. Fait que moi, je lis les SMS pour cette affaire-là, là. Fait que là, j'ai dit, viens-t'en, je suis ici. Puis là, ici, je me dis qu'il s'est pas aussi ici. Fait que là, je m'envoie dans Google Maps. Je donne l'adresse du restaurant. Je presse OK. Je dis, il va s'en venir, là. T'sais, la flamme va arriver. Elle peut pas aller partout, là. Elle va focusser sur l'endroit que je lui ai dit. Tu sais, il va avoir un petit point ou un petit doigt qui va dire « C'est ici, c'est ici, c'est ici. Descends, puis arrive. » Ça fait que là, je rencontre la demoiselle. On discute. Puis là, ben le monsieur qui s'appelle le monsieur. Est-ce que c'est un monsieur, madame? Selon moi, ça peut pas être une demoiselle, mais on sait jamais aujourd'hui, hein? En 2020, là... Moi, j'ai bien peur de me prononcer sur le sexe de tout ce qui passe devant moi. Mais, on peut dire c'est un serveur. Oh, serveur, c'est beau, un serveur. Quoique, un serveur sur Internet, c'est autre chose. Non, il y a plusieurs serveurs, mais il y a un serveur dans un restaurant. OK, fâchez-vous pas. D'accord. Alors, il y a le serveur qui nous arrive avec le menu. Mais là, un menu, là. Tu sais, la petite affaire que moi, je ne peux pas bien voir, là. La lumière est tamisée. La musique est forte. On est dans un pub à Québec où ils font des spectacles de jazz, de blues, et puis c'était le show. On arrive en plein show. Tu sais, on appelle ça en anglais, je le dirais pas, mais des groupes de chansons. Tu sais, ils font des petits quarts de chansons, là. Donc, ils font 30 minutes, ils s'arrêtent 20 minutes, 30 minutes, 20 minutes. Bon. En anglais, c'est facile à dire, mais en français, je veux pas le dire, moi, anglophone. C'est trop facile. Il faut pas se laisser aller par ce genre de choses. Il faut rester francophone. Donc, le plus possible. Donc, là, la musique est forte. On rentre avec la demoiselle. On a réservé. Bon, on nous présente la table. Bon, bonjour, la table. Là, j'embrasse les pattes. On nous présente quelqu'un, là. Mais là, me dit, mais c'est pas quelqu'un. Comment ça, c'est pas quelqu'un? C'est un accessoire. Un accessoire? Ben, c'est une fille de théâtre, hein? Oui, mais puis, donc, il faut rentrer en communication. C'est du bois. Du bois, c'est vivant. Ouais, mais là, c'est exagéré. Est-ce que tu te sens mal à l'aise vis-à-vis de moi? Non, mais je te trouve étrange. Étrange? Rénal Gagné, errance rénaldienne, c'est KRL. Mouin? Tu sais, il y a comme un silence, puis le mouin. T'es pas juste ça? Ben là, je suis pas juste ça. Je suis aussi un fin cuisinier, là, qui arrive à... Ah non, ben là, tu parles pas de même, là. Non, non, le son est fort. Eh non, mais c'est juste un cuisinier! Pas la tâche, hein, quand... Tu cries, tu ne vas pas comprendre. Pardon, la fille, hein, pardon. Tu parles fort, puis là, à un moment donné, la musique arrive, elle arrête, puis tu sais pas qu'elle arrête. Fait que là, tu continues à parler fort. Puis pendant que tu continues à parler fort, elle sait que les gens peuvent entendre. Oh! Le malaise. On a l'âge de raison, mais on n'a jamais raison. À quoi bon en discuter quand les gens ont leurs idées, ils ne comprendront jamais. Pas intelligent, on ne pense qu'à l'argent. Mais comment leur expliquer, on n'en a jamais assez, ils ne comprendront jamais. Nous on est dans le vent. Avec le feu. Ça, ma foi, c'est un peu vrai, mais faut rien exagérer, ils ne comprendront jamais. Nous, on est dans le vent. Oui. Dans le vent, dans le vent. À chacun son temps, on ne vit que pour l'amour. On ne vit que pour l'amour. Le travail pèse lourd. Le travail pèse lourd. Et ils ont des airs de saints, mais ils n'en pensent pas moins. À notre âge, ils ont aimé. Comme nous dans le vent. Oui. Comme nous dans le vent. Dans le vent. Dans le vent. À chacun son temps. Aujourd'hui, le lundi 13 janvier 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Cessons les chansons. Mais non, sinon il n'y aura plus d'émission. Cessons. Qu'est-ce qu'il voulait dire, non? Les Olandes, oublions les erreurs du début. Aujourd'hui, 13 janvier 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif. Voyons, t'en arraches, mon Gaétan, oui. Unissons-nous autour de notre ami Gino Biller. Qui est-il? Vous le saurez après ces chansons. Cette chanson, la chanson. C'est singulier au pluriel? Je sais pas, je vais remplacer une ou deux. Je ne sais pas. Alors, mon ami Gino Biller, à toi. Jamais, jamais on ne se quitte. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Vous le voyez bien, sans être vraiment vieux, nos calottes glaciaires prennent des latitudes. Nos crânes tout lisses ont cette habitude de sourire quand vous bougez, vous bougez vos cheveux. C'est vous, les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Nous n'avons jamais été vraiment loin, et depuis le jour de notre naissance, ravis d'avoir fait votre connaissance. Permettez que l'on s'appelle, tous cousins. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Faut pas qu'ils sortent de la famille. Ces cousins qui voient pas tous des ennemis sont désarmés quand on les prend dans nos bras. Un joyeux anniversaire. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. On va vous dire quelque chose de secret. Puisqu'on est parti pour que ça dure toujours, on est obligé de parler d'amour. Sinon c'est la terre qui va s'arrêter. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Les frérots, c'est nous, notre famille, c'est vous. Les notre famille, c'est vous. Salut Dino. Salut Rénal. Ça va? Ça va bien? Excellent. Ah, tu m'avais vu, puis tu as... Je viens de... j'étais là. Tu prends un café quand tu fais chaud comme ça? Ouais. Oh, vrai. Ah bah toi, t'as habitué du verre d'eau, alors. Oh non, je viens commander encore. Ça va? Ah oui, très bien. J'ai vu que tu avais interviewé tout le monde. Ah, ben écoute, jusqu'à dimanche, à partir avec toi jusqu'à dimanche, je rencontre encore 22 personnes. Ah oui? Oui. C'est un marathon. Ah oui, c'est un marathon, ah, marathon. Parisien. Oui, faut dire que mes vacances, c'est après. Ah, donc, bien. On va en profiter. Là, bien, bien, bien. C'est du travail, même si c'est du bonheur. Oui, moi je suis rentré tout à l'heure et je repars demain matin 5h. À quelle heure où tu vas? Je vais dans le nord là, j'étais à Fusion, le groupe festival techno là, okay. Pour un spectacle de rue. Oui. Et hier on a joué à Annecy et là on revient. Mais tu viens ici juste pour me rencontrer? De quoi? Est-ce que tu viens ici juste pour me rencontrer ou si tu avais des choses à faire? Non, c'était ma journée de pause. Ok. Et je repars demain. Non, je suis pas revenu à Paris exprès. Ok. Non. Okay, bon. Non, on devait rentrer parce qu'on change de spectacle. Ah, bon, et, ok. Là, je vais me sentir vraiment mal à l'aise quand même. Non, tu te sens pas mal. Alors, bah, sinon, je t'aurais dit que je pouvais pas. Ok, mais là, tu as une journée bien remplie. Là. Ah, bah là, j'ai une journée assez remplie après. Ouais. Alors, on a quoi on a une heure? Oui, une heure, c'est très bien. Ok, parfait, on y va. Ah, ouais, tranquille. Non, mais tranquille, on prend le temps. Ah, hein. Oh, ben on prend tout le temps. Hein. Ah, non, mais j'ai le temps aussi. Hein. Je prends mon temps. Non, mais j'ai une rencontre à 15h15. Donc ah, bon, voilà. Ça tombe bien. Très bien. Alors, ben Dino, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois que je rencontre des artistes, en tout cas dans la clique qui m'intéresse, ton nom revient souvent. Ah. Parce que tu travailles, t'es aussi. En fait, tu fais tout, tu fais de l'art dramatique, tu chantes, t'es pas cloisonné dans un style, t'es ouvert à tout. Tu fais du spectacle vivant dans son ensemble, dans son entité. En un mot, tu nages dans la création. Bah, en fait, je fais de la chanson depuis un moment, mais et puis j'ai fait du spectacle de rue aussi avant, donc j'avais arrêté le spectacle de rue, je suis revenu à la chanson, et maintenant au théâtre de rue, par des rencontres. Mais c'est surtout que en fait, rester que cloisonné dans un seul truc, ça me suffisait pas. C'est pas assez payant aussi, soyons honnêtes. Oui, c'est pas assez payant non plus. Ah ouais, ça, oui, bien sûr. Honnête. Non, puis moi j'aime bien faire de la comédie. Là, j'ai fait du stage de masque pour utiliser sur un spectacle. En fait, je fais aussi les choses en fonction des spectacles que je vais faire. Ok. Je vais pas me dire tiens, je vais faire ça par envie. Je vais le faire parce qu'il y a un besoin pour le spectacle. Un besoin pour le spectacle. Ok. Par exemple, j'ai fait un stage de marionnette. Ça m'était pas destiné, oui. Et de masque, et maintenant je trouve ça intéressant parce que je l'ai fait, mais parce que je l'utilise directement. Ok, alors l'intérêt vient du fait que dans ce que tu proposes, tu fonctionnes avec un autre médium que tu connais pas, donc tu vas aller chercher, oui, les sources, tu veux connaître comment ça... Carrément. Puis donc tu fais affaire avec des professionnels, donc les cours sont plus rapides, bien sûr. On passe pas par n'importe quel chemin, donc on est direct. Et puis on a la chance en France quand même d'avoir cette possibilité de faire, après faire quand t'as 8 ans évidemment, mais d'avoir des possibilités de stage rémunérés, payés, et donc c'est oui. Ah ouais. Donc, du coup c'est une richesse, oui. C'est une richesse énorme, donc autant l'utiliser. Mais c'est du bagage en plus. Oui, c'est ça. C'est du bagage que tu vas pouvoir réutiliser. Ah bah après, je sais pas si je... Oui, je pense. Oui, oui, c'est toujours... jamais terminé. Bah, c'est comme là, cette année, j'ai envie de faire un stage de voix, mais ça, par contre, je suis pas sûr de vouloir l'utiliser. C'est juste pour savoir comment ça marche, le... La pose de voix? Oui, la pose de voix sur des films, sur des... Juste pour savoir. Là, c'est par curiosité. C'est le seul stage que je vais faire par curiosité pour l'instant. Mais en fait, c'est la curiosité qui t'amène partout. Oui, je pense. Oui. Tu ne cloisonnes pas dans un carcan. Non. Tu es ouvert à tout. Un peu. À chaque proposition. Ah, peut-être pas à tout, mais... Y a des propositions qui t'intéressent moins, mais... Après, j'en fais, moi, des propositions. Donc, monter un cabaret, puis on me propose, je dis, je vais essayer, pourquoi pas. C'est, si vous avez besoin de moi, je suis là. Mais à quel moment dans ton existence, tu t'es dit, je veux... uniquement faire du spectacle vivant. Est-ce qu'enfant, tes parents t'ont encouragé, t'étais le petit rigolo, puis... Non, pas du tout. En fait, c'est marrant parce que ma maman, elle m'a rappelé... non, mais... Elle est italienne, mais j'ai bien appelé la maman, c'est plus joli, la maman. Parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment la maman. Et elle m'a rappelé que je disais ça à ma nounou. Je gagnerais, je serais chanteur, je gagnerais beaucoup d'argent et je t'offrirais une maison. Bon, je fais la chanson, mais je gagne pas beaucoup d'argent. Ouais. Et je suis plus loin de lui offrir une maison. Heureusement que je l'ai revu en lui disant, écoute, désolé, j'étais un peu menti quand j'avais 6 ans. Oui, mais c'était quand même une vision. Là, tu voulais, ah, je sais pas. Chose. Oui, une envie peut-être, oui. Oui, oui. Mais, est-ce que c'est à l'école que tout ça s'est révélé? Oui et non, parce que en fait, après j'ai fait des études dans le tourisme, dans l'électronique, dans tout ça, mais ça me convient pas. Après, c'est des rencontres qui m'ont fait aller dans ce métier-là. Et puis l'idée de faire une école de chansons à Paris, qui s'appelait à l'époque les ACP, maintenant qui s'appelle Manufacture de chansons. Bien sûr. Maintenant, il y avait plusieurs écoles. Hein. Au départ, moi, je voulais pas forcément Paris, je voulais plutôt Toulouse, un peu de soleil. Okay. Et en fait, j'ai passé l'audition, ils m'ont pris pratiquement tout de suite, donc j'ai dit, bon, allez, j'y vais. Et le fait de rester, je dis, ben, je resterai pas à Paris. Et le fait de rencontrer des gens, d'autres chanteurs, qui te font rencontrer force, par force d'autres personnes, et ben du coup, tu restes, et ça fait 23 ans que je suis là. Mais qu'est-ce qui les a plu chez toi pour t'accepter? Est-ce que c'est ta voix? Parce que tu as une voix quand même radiophonique. Peut-être, je sais pas. Ou c'est ta façon de te présenter Je sais pas. Oh, j'étais beaucoup moins sage avant. Hein. Ah ouais. J'étais un peu plus foufou quand même. Ok. Bien sûr, même si je reste encore un peu foufou. Mais, bah, il faut. Je sais pas, je pense que c'est peut-être la voix, parce que tout le monde me dit que j'ai une jolie voix qui pourrait marcher justement radiophonique, et c'est peut-être pour ça que je vais essayer, peut-être aussi. Et de fil en aiguille, as-tu commencé par le théâtre ou la musique? Quel médium t'a attiré? J'ai commencé à jouer avec un ami à l'époque. Après, j'ai fait de l'orgue de barbarie dans la rue grâce à une compagnie de théâtre de rue qui s'appelait le Tapis Franc, qui n'existe plus. Et de fil en aiguille, ils m'ont aiguillé. En fait, c'est eux qui m'ont aiguillé un peu vers la chanson et le théâtre de rue. Et tout petit, tu écoutais de la musique comme tout le monde. Qu'est-ce qui t'attirait? Qu'est-ce qui t'amenait à être plus attentif? Quel chanteur t'as? La chanson, le texte, la chanson. Les chanteurs comme Léo Ferré. Bien sûr, Léo Ferré, évidemment. C'est peut-être même lui qui m'a fait le plus kiffer, comme on dit. C'est Léo Ferré, oui. Et puis donc, Alors, un exemple très simple, Barbara, du coup, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, mais je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Parce que c'était mon oreille n'était pas faite à ça. Et un jour, j'entends un ami chanter du Barbara, qui chantait merveilleusement du Barbara, et j'ai entendu ce qu'elle disait. Okay. Et après, j'ai pu entendre Barbara. C'est marrant. C'est une révélation. Hein. Ouais, c'est marrant. J'écoutais, mais j'avais du mal. Sa voix aiguë aussi. Et puis c'est tellement doux, feutré avec le piano, voilà. Des fois on perd quelque chose. Mais par contre, Ferré, je comprends. Bah, j'avais l'impression. Bon, Ferré, c'est notre parole, hein, c'est faux. Les gens ne comprennent pas Ferré. Moi, je prends le sentiment, en tout cas, de comprendre à ma manière. Ah ouais. C'est ça qui est Ferré. Non, mais c'est ça le but de Ferré, c'est comme Gainsbourg, hein. Il y a des métaphores. Bien sûr, bien sûr. Et après, tu comprends le cheminement de la chanson, la façon de voir les choses. Et moi, je me suis un peu inspiré de Ferré, beaucoup. Puis après, ben, plein d'autres, hein, Beko, tout ça, tous ces grands de la musique, quoi. Alors, de la chanson. Mais par contre, j'écoute pas que la chanson. Ok. Je ne suis pas enfermé dans le carcan de la chanson. Ouais. J'adore la chanson. J'aime beaucoup la musique du monde, en fait, en général. Même si la chanson française, c'est une musique du monde. Oui. Donc, j'aime beaucoup la musique. Donc, c'est la musique qui t'a approché vers le spectacle vivant, avant l'art dramatique. Oui. Et après, est-ce que c'est de fil en aiguille que t'as commencé à jouer sur scène ou à jouer dans la rue J'ai commencé à jouer dans la rue, après dans la scène, après des petits lieux, des lieux un peu moyens. C'est de fil en aiguille, en fait, vraiment. Là, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis revenu sur un spectacle de rue qui tourne dans le monde entier. Que tu roules, ouais. Qui tourne, on est 9 là sur leur création et qui tourne. On était à Fusion, mais le premier spectacle a été au Costa Rica, Singapour, tous ces pays-là. Alors la barrière de la langue n'existe pas? Bah là, en fait, c'est pas un spectacle, à part le dernier où je chante Carmen. Oui. Mais l'autre, c'est plus des paroles un peu imaginaire, transverser tous les crotinants, tous les mocéans, les pleuves, les cropagnes, les villes ultra-boules débiles et leurs chroniques distresses. Ça, c'est un début de... Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Non, c'était un auteur qui nous a quitté, un ami et auteur, qui s'appelait Pierre-Henri Van Kerbroek, qui était un poète. Poète, il s'est créé une langue. On lui a demandé de créer ça, mais c'est un génie. Oui, c'est un génie. Puis c'est une musicalité aussi. Oui. Et on peut comprendre quelques... Oui, bien sûr, mais quand on joue au Costa Rica, ils ne comprennent pas forcément le français. Non, mais non, c'est non. le fait de déformer un peu la langue qui ouais. vient un peu universelle quelque bah, part. Oui. Puis après, c'est théâtralisé. L'accueil là-bas, c'est... Ah, c'est magnifique. La Russie, tout ça, c'est magnifique. Ah, j'adore. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus réceptifs et d'autres moins? Pognon dessous les flonflons, au son de la java, quand le bal musette valsait son fracas, il sentait si bon ce parfum de tabac. Autant du pognon dessous les flonflons, au son de la java, quand le jazz musette swingait son fracas, il sentait si bon ce parfum de tabac. Autant du pognon du vieux cinéma et des banilons, les petits bourgeois farcis des choux gras. Leur meuble verni, du confort à soi, se la coulait douche, moins vilain Meudon. Oh, tant du pognon, les doux d'amour avaient de la gueule. Gavroche et Donzel flambaient du discours. Ça sentait le graillon, le vin, les beaux jours, même que la misère fleurait bon l'agneau. Autant du pognon, dessous les flonflons, au son d'un java, quand le bal musette valsait son fracas, et sentait Simon ce parfum de tabac. Autant du pognon dessous les flonflons, au son d'un java, quand le jazz musette swingait son fracas, et sentait si bon ce parfum de tabac. Autant du pognon, on claquait nos rondes la nuit au matin, sans être marin, on naviguait loin. Au bistrot du coin, par-dessus la thune, caressant la lune, qu'elle soit blonde ou brune. C'était le paradis de la soif et du jaune, salut les frangins, les mégaphilons, on en trouvait plein. Autant du pognon, les yeux dans le bouillon, on se met le bonheur au tarin des cons. Autant du pognon, dessous les flonflons, au son d'un java, quand le bal musette valsait son fracas, et sentait si bon ce parfum de tabac. Autant du pognon, dessous les flonflons, au son d'un java, quand le jazz musette swingait son fracas, et sentait si bon ce parfum de tabac. Nous cacher la chose, c'était tout le Paris dans son rififi. Un coup à Pigalle, un plan, un cliché bien avant qu'on cause. On y grilla l'œil sans le moindre alibi. Autant du pognon, ça bossait très dur quand c'était l'usine. Celle où l'on s'échine juste après l'usure. Le goût du turbin reprenait la main sans que ça lésine. De la vraie sueur là où que ça carbure. Autant du pognon, dessous les flonflons, au son d'un java, quand le bal musette valsait son fracas, il sentait si bon ce parfum de tabac. Autant du pognon, dessous les flonflons, au son d'un java, quand le jazz musette finit son fracas, il sentait si bon ce parfum de tabac. Non, ils sont réceptifs. Je dirais qu'ils sont plus certains. Par exemple, les Russes, c'est très froid au départ et après ils te lâchent plus. Le Costa, Singapour, c'est ça va. Costa Rica, je prends vraiment les peuples assez loin. Ah ouais. Par exemple, Costa Rica, j'ai l'impression que c'est des enfants. Tu les déplaces, ils reviennent au même endroit. Ah ouais, okay. C'est une façon, c'est leur façon à eux. Et donc, du coup, on interprète ça, on joue en fonction de ça. Mais c'est enrichissant aussi pour toi. Ah bah c'est carrément super. Ah ouais. Justement, l'ouverture. Mais tu travailles sur plusieurs spectacles à la fois, donc t'es très normal, t'es très, oui. très versatile. Oui, oui, oui. Là aussi j'ai les frérots, le groupe de chansons, avec Arnaud qui est plutôt... C'est quoi, c'est la traduction de la chanson. Oui, après on a demandé, avant on prenait des chansons déjà existantes, et du coup là, Arnaud Roman avec qui je travaille, on est quatre maintenant dans le groupe, on a commencé à deux, et il y avait lui il écrit très très bien. Mais on s'est dit avec lui, il y a d'autres auteurs aussi qui écrivent très bien, faut pas qu'on s'enferme dans ton écriture. Exact. Donc on a demandé à... Mais toi, écris-tu un peu ? Non, je n'y arrive pas. Okay. J'ai essayé. Il y a un blocage. Pour l'instant, ça veut pas c'est pas mon truc. Ça veut pas moi, non, c'est pas mon truc. Par contre, ce qui me reproche pas, mais c'est vrai que pour les frérots, c'est moi qui choisis, ils me présentent des chansons, et je dis ça c'est bon pour les frérots, ça j'en veux pas. Ok, parce que tu connais ta tessiture aussi, tu connais ta voix. Ah bah après les tonalités, oui les tonalités, mais surtout ce qu'on peut, si l'écriture me plaît, je comprends, si elle me plaît pas. Parce que tu vas avoir un certain plaisir aussi. Oui, là. Oui. Oui, oui, je fais rap. C'est quoi, c'est de la musique rigolote, c'est... Ah, il y a un peu de tout, c'est un peu éclectique, ça peut être très triste, très... Mais qu'est-ce qui fait la trame de ce spectacle-là? Oh, c'est justement le côté un peu éclectique dans, dans le choix. On essaye, plus ça va, on essaye de trouver des ambiances un peu du monde entier, justement. Et même, des, même si on connaît la patte du piano de, d'Arnaud, on essaie d'ouvrir un peu. Est-ce que avez-vous pensé de faire un enregistrement de tout ça? Et oui, on a un enregistrement qui est un disque qui risque d'arriver en, en septembre ou octobre, plutôt octobre. Okay. On a déjà deux disques que je vous ferai parvenir, parce que oui. J'ai oublié. Ok, pas de problème. Je te passerai, ton adresse et puis. Oh, oui, j'ai testé mon adresse à rien. Et on a sorti deux disques. Un qui a été enregistré au Limonaire. Ok. Il y a bon, ça, ça. 2016. Ah oui. Et le deuxième, un 7 titres qui est sorti il y a un an et demi. Et là, il y en a un autre qui sort. Et on a invité plein de musiciens à venir. Et ça, c'est alors, que... c'est un concert, ça. Ça, c'est un 7 titres aussi. En fait, mon disque, on a fait, je ne suis pas le seul, mais on a pris le parti pris de sortir des pas, j'aime pas quand on me dit des EP. Oh, c'est ouais. Des petits disques. Oh, ouais, c'est parce que EP, ça fait, c'est promotion, quoi. Ouais. En fait, non. C'est promotion, un disque, c'est un disque. Ah, ouais. Et puis un 7 on titres. On peut ramener ça à la maison aussi. Oui, voilà. Et puis les disques, c'est fait pour les voitures. Ah, oui, et puis. Beaucoup. Oui, et puis les chambres à coucher. Oui, voilà, voilà, tout ça. N'importe où. Mais est-ce que tu vois l'évolution des trois disques du début jusqu'à maintenant? Ah oui, carrément, bien sûr. L'envie n'est plus la même. Votre direction? Le changement, une envie de modernité. OK. C'est-à-dire qu'on vient quand même, moi je viens quand même de la chanson un peu classique quand même, du coup, par les... Et plus ça va, plus on découvre... Classique, variété, tu veux dire? Oui, variété. Et même si la chanson, on va dire que c'est variété quand même, la chanson. Charles Trenet, tout ça. Et du coup, avec le temps, le fait de demander à des auteurs d'écrire, ils ont une façon, une patte moderne. La patte d'écriture est moderne et la musicalité devient moderne aussi. Oui, Même si on reste vraiment dans le côté piano, violon, violoncelle. Accordéon aussi, j'ai accordéon, vu, hein. Accordéon, moi je fais un peu de trompette et de phonium. Ça reste encore dans ce truc-là. Mais je pense que ça risque de changer un jour. Mais l'intérêt sur scène, c'est de modifier tout ça et d'improviser. Êtes-vous bon, est-ce que vous fonctionnez là-dedans, dans l'improvisation? Ou si vous êtes très carré? Non, c'est très carré. Par contre, l'interprétation change... J'aime bien, moi, changer les trucs sur scène directement. Si vous faites plusieurs fois le spectacle, Il faut... Il y a des trucs qui reviennent, puis il y a des trucs qu'on dit, bon, on le fait plus, allez, on invente autre chose. Parce que ça a mal vieilli. À un moment, on est obligé, par moment... Je ne sais pas trop quoi dire entre les chansons, donc les intervalles nous manquent un peu, il faudrait trouver plus d'idées. Des fois on trouve, des fois on ne trouve pas, selon l'humeur, selon la salle, selon nous. Et à la dernière minute, tu veux dire que les chansons peuvent être enlevées, peuvent être modifiées, peuvent être... Il y a certaines chansons. Si, il y a certaines chansons, par exemple, quand on est en duo, on ne peut pas chanter certaines chansons parce qu'il manque, les deux autres musiciens. Ah ben oui, là, ça va faire... Certaines sont faites pour ça et d'autres sont faites pour jouer à quatre ou... Alors, dépendant de l'équipe? Des fois, on joue à deux, des fois à trois, des fois à quatre. Parce que tout le monde est sur d'autres projets aussi. Oui, bien sûr. Beaucoup. Alors, on travaille principalement... On joue beaucoup avec Alexandre Metao, qui travaille beaucoup, Marouane Camarty, qui travaille beaucoup aussi. Arnaud aussi, il travaille. Moi, j'ai d'autres trucs. Donc, forcément, des fois, le point de rendez-vous d'été est un peu difficile. Mais est-ce que vous cadrez tout ça quelques mois avant pour pouvoir savoir sur quel pied danser? Oui, bien sûr. Alors, ton calendrier est souvent très chargé? Il est chargé. Là, c'est une période où moi, je fais beaucoup de spectacles de rue. Et tout le monde est un peu chargé au mois de juillet, évidemment. Ah oui? Donc, c'est surtout... Là, on a quelques dates l'été, des allers-retours, des... Combien de concerts en été tu dois faire cette année? On va dire 10-12. Mais on devrait en avoir plus. Mm. Et c'est difficile de choper, par exemple, les festivals, parce que moi, je suis sur d'autres festivals où... OK, mais c'est juste ce soir. C'est le problème, en fait, d'avoir multifonction aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est uniquement sur ce projet-là. Donc, tu joues aussi ailleurs, tu joues pas là. Oui. Alors, tu fais peut-être... Par exemple, là, on va aller avec la compagnie de Demain, on change tout, à qui je fais la marionnette et tout ça. Oui. Là, on part à Mirepoix et je les rejoins, je rejoins les frérots à Simor, à 200 bandes de là, et je fais un aller-retour pour jouer avec les frérots. Donc, c'est vraiment... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu travailles, tu fais des choses à Paris où le public est tout à fait... est plus difficile à conquérir et tu fais ça aussi en banlieue. Les gens sont contents de voir. Oui. Mais bien sûr. Moi, j'adore. Mais c'est ça l'intérêt. Mais j'aime bien jouer en province. Oui, c'est ça. Parce que les gens viennent vous voir. C'est rare que les musiciens, que les chanteurs se rendent là. J'aime bien jouer à Paris, j'aime bien jouer partout. À Paris, c'est la maison. Non, mais tu vois la différence aussi. Oui, je vois la différence. Ben oui. Je vois une totale différence. Non, mais c'est bien. Après, c'est... Puis je suis prêt à faire plein d'autres choses. Je sais pas trop quoi, mais... Ouais, faut s'évader. Quand tu regardes le parcours que tu as fait depuis le début, oui. est-ce que tu sens qu'il y a un fil conducteur ou si c'est, tu prends ce que tu veux, t'as pas de plan établi? Non, j'ai des idées, mais j'ai pas de plan établi du tout. C'est toi qui provoques les choses aussi, là. Oui, on est plusieurs. C'est rare que je bosse tout seul, moi. J'aime bien travailler avec d'autres personnes. J'ai jamais eu de projet seul. Pourquoi? T'as peur? Je sais pas. Tu t'emmerdes quand il n'y a pas d'amis? Ouais, puis j'aime bien. Mais les potes, c'est toujours. Ouais, puis c'est bien. Bah c'est oui, bien bah oui, plusieurs. On rigole, on peut. Là, on est en train de monter un petit cabaret qui s'appelle, avec un ami qui s'appelle Orange, qui s'appelle l'énorme cirque Orangino. On va le faire tranquillement sur 2-3 ans. Là, on l'a joué en novembre dernier. On va le rejouer en novembre là, en France. Après, on va aller en Allemagne le faire là-bas. Un cabaret, on invite des artistes. Un peu comme un cabaret tout le temps. On régional. Tu vas faire appel aux gens de cette oui, région-là. Oui, de cette région-là, bah oui. Oui, oui, autant faire travailler les gens qui sont dans du et coin. C'est de là l'intérêt aussi. Et puis, l'intérêt. Ah oui. L'intérêt, c'est du public aussi de faire venir, de découvrir différents trucs. Quoi. Mais même si vous voulez divertir dans vos projets, vous avez des messages, vous voulez transmettre quelque chose ou pas du tout, c'est simplement pour le plaisir. Par exemple, sur le spectacle de rue, c'est très chimère. L'image, elle est très chimère. Donc là, on travaille sur les émotions. Okay. Il y a des gens qui ont peur, d'autres ils sourient, d'autres pleurent après la fin du spectacle. Ça, c'est vraiment sur. On travaille sur l'émotion. Les frérots, c'est. C'est plus festif. Ah, bah, les deux sont. C'est par moments, c'est festif. C'est un peu triste comme. On travaille sur. Il y a un morceau, par exemple, qui a écrit Arnaud, qui est très la fin de vie, l'euthanasie, est-ce qu'on n'accepte pas. Et ça va jusqu'à. Et ça va aussi jusqu'à une chanson écrite par Polo. L'ex-chanteur des Satellites, ouais. Quand on est amoureux tous les soirs, qui est le côté, nous les musiciens, on est sur scène, mais on regarde des filles nous faire des sourires, ou des hommes, peu importe, nous faire des sourires, et puis on dit on pourrait les voir après, mais le temps de ranger le matériel, les gens sont déjà partis. Ah ouais, ouais. Donc c'est, ça part d'une dérision aussi, d'un côté très fort et d'un côté très léger. Ce qui est important, parce que si on fait que du... Ça peut être lourd. Ouais, il faut rire. Et surtout qu'en été, les gens veulent s'amuser, ils oui. veulent pas trop se prendre la tête. Oui, il faut rire. Il faut savoir jauger. Et toi, dans la vie, es-tu un homme rongé? Es-tu un homme qui est toujours... Non, je suis pas rongé du tout. Je suis dérangé. Oui, c'est... un peu. Ouais. Mais il faut aussi pour ce métier-là. Oui, oui. Mais des fois, j'aime bien être chez moi, quand même. Bah oui, ben pour te poser. Oui, puis il y a des... En fait, quand on travaille comme ça en compagnie, ou plusieurs, on fait les choses nous-mêmes en même temps. Donc, les contrats, les parce trucs, il faut les faire. Tout. Vous êtes oui. des bureaucrates, tout à fait. Mais vous êtes des artistes. Tout alors, fait. Vous savez, vous êtes très ancré sur la bureaucratie, mais en même temps, vous êtes du côté créatif, donc la tête en l'air. Bien sûr, on n'a pas le choix. Parce que c'est plus que c'est. Bah, il faudrait trouver quelqu'un qui s'occupe de nous totalement, mais il ouais. faut avoir les moyens ouais. de ça. Mais effectivement, mais. C'est une histoire de moyens. Hein. Un lit posé, de simple fer, un lit penché, pour la prière, un lit d'effroi, et de bataille, un lit de joie, un lit de paille, un lit doré, un lit nickel, un lit chromé, au goût de miel, un lit de soleil, de petit jour, un lit de sommeil, un peu trop court, un lit de bétail, un lit d'été, un lit de corail, d'herbe coupée, un lit de soleil, de petit jour, un lit qui veille, après l'amour. Un lit bourré, un lit tout rond, plein à craquer, le lit de pochetron, un lit sans queue, un lit sans tête, un lit tout bleu, un lit tout bête, un lit rebelle, un lit de 20 ans, c'est tout le ciel qui est au-dedans, un lit trop tard, un lit trop court, un lit qui se bat, sans dire bonjour, un lit putain, un lit revient, un lit de rien, qu'est-ce qu'on est bien, un lit trop tard, un lit trop court, comment savoir si je t'aime toujours. Un lit dehors, un lit dedans, un lit qui dort pour tuer le temps, un lit cul-de-sac au fond de son trou, un lit, un sac et puis c'est tout. Un lit sans feu, un lit sans paille, un lit bon Dieu, qu'est-ce que ça caille, un lit dehors, un lit dedans, un lit encore pour combien de temps? Un lit départ, un lit vacant, un lit bougeoir, les pieds devant, un lit pareil à tous les lits, un lit de sommeil pour toute la vie. Un lit de bois, un lit de pierre, à chaque fois, un lit de poussière, un lit pareil, à tous les lits, un lit de veille, de paradis. un lit d'osier, un lit tout neuf, un lit porté comme un petit œuf, un lit matin, un lit catin, un lit revient, un lit verdun, un lit dortoir, un lit peinard, un lit trottoir, un lit départ, un lit de pierre, un lit de fer, un lit de terre, un lit de mer. Un lit est toujours à refaire, un lit de pierre, un lit de fer, un lit de terre, un lit de mer. Un lit est toujours à refaire. Puis toi, en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as vu tout ce changement-là se faire pendant que tu étais dedans. Bien sûr, bien sûr. Es-tu nostalgique du temps passé ou c'était un peu... Non. Parce que quand c'est à l'arrache, on fonctionne autrement, on carbure autrement. Oui, oui. Oui, mais plus dans l'action. Oui, oui, après... Tu as plus de contrôle. Moi, je suis plus dans l'arrache. Hein. On fait des trucs systématiques. Ah, des fois, il y a des soucis, donc il faut régler le système très vite, mais c'est beaucoup moins à l'arrache qu'avant. Non, mais il faut dire aussi qu'en faisant tous tes trucs, tu vois l'emprise, tu vois ce qui se passe. Tu sais, tu laisses pas ça à d'autres. Et après, tu vois ce qui s'est passé comme erreur. Donc, en étant dedans, c'est toi qui contrôles. Ah oui, carrément, carrément. Alors, tu sais très bien que, bon, là, ça, ici, ça n'a pas fonctionné, donc on va changer. Oui, oui. Et ça, c'est quelqu'un qui s'occupe de tes trucs, c'est à la fin de l'année, on dit, ah ben là, regarde, ça n'a pas fonctionné. Ben, pourquoi vous ne me l'avez pas fait avant? Bien sûr. Alors, ben, ça arrive. 100%. Ça arrive. Oui. Ça arrive encore. Oui, mais tu es collé quand même. Je suis collé, il y a une vérification qui se fait automatiquement. Oui, ça valide rapidement. Bien sûr, bah oui. Quand on n'a pas été réglé, qu'on n'a pas été le truc, on demande comment, comment ça se fait. Et puis on a quand même le côté intermittent qui nous oblige à être vigilants un peu sur les choses, sinon on se retrouve un peu dedans. Ouais. Mais bon, ça va. Ça fait partie du truc. Mais un soulagement. Ce qui nous manque par exemple sur les frérots, parce que sur le spectacle on a des tourneurs, donc ça va. C'est la diffusion. Ouais. Ce qui est très difficile pour les artistes. L'administration encore ça se fait. Mais diffuseur. C'est un sacré boulot. Même l'administration, c'est un sacré boulot, mais diffuseur, c'est des réseaux. Les réseaux sont blindés. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans les... Il n'y a pas assez de diffuseurs, en fait. Ouais. Et il n'y a pas assez de festivals non plus. Ouais. Donc, quelque part, il y en a beaucoup, mais tout le monde ne peut pas passer. Mais je rencontre beaucoup de chanteurs, de chanteuses de groupe qui me disent « Pour l'administration, j'ai pris un cours pour pouvoir gérer ma carrière. Oui. » As-tu fait ça, toi? Non. Tu l'as appris à l'arrache? Oui, en faisant. Et puis après, on a toujours des gens qui travaillent dedans, qui t'expliquent un peu, et si t'as un souci, tu les appelles. Oui, ok. Voilà. Okay. Toujours, après, il faut surtout embaucher un comptable. C'est ouais, ça. Mais encore là, c'est... Non, mais voilà. Mais ouais. Après, tu peux faire tous les papiers avant, et voilà, tu files lui ce qui va faire du reste. Mais puis maintenant, tout est modernisé. Oui, ah, sur Internet. Maintenant, c'est rapide. Mais il faut être attentif aux dates, oui, mais machin, c'est ça. Tout ce qu'il y a. Parce qu'il faut manquer de. C'est le côté chiant du boulot. Mais il y a pire. Ben oui, il y a pire. Il y a ce pointé du lundi au vendredi dans une entreprise. Puis faire des disques, puis comment faire des disques, comment choper le financement. Il y a tout ce système-là, la diffusion qui est extraordinaire à faire, mais qui est un boulot. Qui est un boulot qui prend du. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Quoi. C'est, Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu as remarqué, toi, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui, que tout commence à s'ouvrir. Hein? Oui. Tout commence à s'ouvrir. Oui. Donc les contacts te servent et tout ça. Oui. Donc, au début, c'était pas comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça. Tu attendais que le téléphone sonne. Je jouais dans la rue. Hein, oui, c'est ça. Et on vendait comme ça. On jouait dans les petits lieux, on vendait comme ça et fait surtout pas oublier de rappeler. Et tu passais le chapeau? Et j'ai passé le chapeau, évidemment. Et on négociait avec le bar aussi pour avoir un fixe. Est-ce que les gens sont généreux? Non. Non. Beaucoup moins. Ben, c'est pas qu'ils sont pas généreux, c'est que... Ils savent pas comment... Ils peuvent plus être généreux. Ah, ouais. Puis tout le monde fait attention. Et ils ont raison. Mais des fois, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et par exemple, les lieux parisiens sont... avant, il y avait au moins un peu de somme et ils donnent de moins en moins, sachant qu'il y a toujours des artistes. Donc, donc c'est pour ça que c'est peut-être plus intéressant d'aller jouer en province. Et en plus, en province, les gens vous attendent, il ne se passe rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Il se passe beaucoup de choses maintenant. Oui, ça a changé. Ça change. Mais ils ont l'habitude. Oui. C'est comme, comme certains pays, comme les Suisses, on va faire un chapeau là-bas, c'est naturel chez eux. Les gens donnent en Suisse parce que c'est eux, ils ne payent pas. Les gens, c'est comme ça. Ils ont compris un peu comment fonctionnait le. Oui, c'est ça, ils fonctionnent comme ça. C'est une autre mentalité. Comment? C'est une autre mentalité. Ouais, c'est une autre mentalité. C'est pas si loin que ça, hein? Non, c'est à côté. C'est fou, hein? Bah, j'y étais d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. Donc, non, c'est. c'est notre mentalité, mais c'est je crois que les gens ont marre de payer, donc à un moment ils se méfient un peu, puis les gens ont plus à la moitié du mois, avant c'était vers la fin du mois, la troisième semaine les gens n'avaient plus de sous, maintenant oui. C'est la moitié du mois, même pas. Oui, exactement, ouais, ça se rapproche. Hein, ça se rapproche. Mais toi, comme tu voyages tout le temps, est-ce qu'il y a des jours où tu, après avoir fait un long voyage et tu dois jouer, est-ce que tu sens la fatigue aussi? Ah ouais, là par exemple je suis complètement fatigué. On s'est fait 20 heures de camion pour aller jouer ici. Ah, j'ai vu ton camion sur internet. Le jaune. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, ben on est ça c'est le camion de la compagnie. Ah, y a et on a joué, ben on avait une remorque derrière et tout, donc ouais. C'est lourd, on était neuf dedans. Hein. Ouais. 20 heures de route pour aller jouer une date. Après on rentrait hier, ce matin. Puis voilà, puis on part demain matin à 5h. Il faut être sur le lieu pour changer de spectacle à 5h pour jouer à 15h dans le Nord. Alors c'est quand même épuisant. C'est épuisant totalement. Alors, on rentre dimanche et on repart mercredi d'après, mais après t'as deux jours, mais bon, il faut comment faire. Tu puisses ton énergie? Comment tu... En mangeant bien, en essayant de bien dormir? Dormir, c'est difficile. Hein. Ou les cafés? Café, double café. Non, mais ça va, après il y a des périodes qui sont beaucoup plus calmes. Ouais. Enfin, sur deux jours, après c'est reparti, mais Au moins deux, trois jours, t'es chez toi. Mais en même temps, quand t'es là devant le public, tu oublies tout, hein? Ah bah oui. Est-ce que c'est vrai que la fatigue n'est plus là, que vous êtes... Ça se voit un peu, ouais. Mais elle n'est plus là. OK. C'est ça, en fait. Donc, c'est les gens qui vous amènent aussi l'énergie. Oui. Heureusement. Oui, carrément. Carrément, ouais. Puis dès qu'on a le costume... Hein. Moi, dès que un personnage. Ah bah, bon, en fait, en tout cas, dans le spectacle, après, la chanson, c'est pareil, même la voix, des fois, elle ne suit plus. La voix, elle est fatiguée à un moment. Le chaud, le froid. Est-ce que tu prends soin de ta voix ou... Pas trop. Non. Je suis un fumeur, je bois du café. Ouais. Qu'as-tu fait? Mais bah, je suis souvent amplifié, un spectacle, on est amplifié, mais quand même, ça pousse. Oui. Mais bon. Est-ce que depuis autant d'années, tu vois que, bon, moi aussi, toi aussi, on vieillit. Ben oui. Alors, est-ce que tu fais attention un peu plus à ta santé? Oui, bien sûr. Alors, tu fumes un peu moins, tu bois un peu moins? Les examens, plus d'examens, les jambes. Comme je suis assez costaud, les jambes, la nourriture. Ouais, il faut boire de l'eau beaucoup. Et moi, je suis un mec assez festif en même temps, donc j'aime bien. Alors, quand le pinard est là, on adore. Là, écoute, hein, on n'est pas ici pour s'amuser. Non, c'est vrai. Et des fois, il faut faire attention. Il faut s'amuser, ouais, parce que quand on joue le lendemain. Mais ça va. C'est quand même un beau métier. Là, c'est un beau métier, de rencontres et de fêtes. Oui. Est-ce que tu vois que depuis... ça fait combien d'années que tu fais ça, à peu près? Une bonne vingtaine d'années? Ouais, vingtaine. Je suis arrivé en 96 ici, donc... Je faisais un peu de chansons, un peu de rue avant, donc on va dire 25 ans. 25 ans? Ouais. 25 ans de carrière. Ouais, en carrière, je sais pas si c'est une carrière de chansons et de spectacles. Oui. Vivant. Ouais. Alors, est-ce que tu réfléchis souvent à ça, au début jusqu'à aujourd'hui, à ton travail en général? Est-ce que tu zoomes souvent sur le travail que tu as effectué depuis? Ah ben, je travaille mieux maintenant parce que je suis... Avant, j'étais un peu, ouais, allez, on y va, on verra bien, et je cherchais pas très courageux. Maintenant, un peu plus. Le fait de bosser, plus on travaille, plus on bosse, en fait, c'est ça. Ouais. Et moi, j'avais tendance quand même à dire, allez, on bossera, tranquille, quoi. La vie d'abord. Ouais. Et le fait de jouer beaucoup, c'est un peu une drogue, le travail, quand même. Ah, oui. Notamment le drogue artistique, parce que il y a quand même un manque, et puis quand t'as pas joué un spectacle pendant un moment, t'es là, oh là là, comment je vais le faire aujourd'hui, je suis pas tranquille. Il y a un track qui arrive, il y a tout, et quand tu joues souvent, tu dis, bon allez, on y va. On se lance. On se lance. Il est là, mais... Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que tu vois déjà le savoir-faire. Oui. Tu as quand même beaucoup d'acquis, oui. Donc il n'y a pas de problème. Tu sais puiser là-dedans. Oui, je sais puiser là-dedans. Comme on dit, tu as du métier. Donc, oui, au bout de 25 ans, oui, c'est sûr. Est-ce que des choses que tu as faites au début que tu aimerais retoucher aujourd'hui? Ou si c'est une continuité normale? Non. C'est un choix que j'ai fait. Par exemple, de faire différents spectacles qui ne soient pas forcément dans le même thème, c'est un choix perso et je ne peux pas revenir dessus. Est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir s'emmerder non plus, faire plusieurs choses? Non, je suis plutôt curieux. Puis j'aime ça, en fait. Quand je fais trop de chansons, j'ai envie de faire du théâtre. Et quand je fais trop de théâtre, j'ai envie de faire de la chanson. C'est ça aussi. Mais sais, c'est comme des enfants, on peut pas dire je préfère... Non, je préfère rien. Ouais, ok. C'est comme on dit, bah oui, mais il faut mettre en priorité un spectacle. Non, pour moi, il n'y a aucune priorité à avoir. Les deux doivent être combattus. Mais là, après 25 ans, y a-t-il beaucoup de demandes? Est-ce qu'on frappe à ta porte ou c'est toi qui frappe aux portes? Oh non, on me demande de temps en temps, des fois... Non, généralement, on vient me chercher. Parce qu'on t'a vu, on t'entend... Oui, on me demande, tiens, tu peux participer à ça, tu peux participer à ça... Puis après, et puis c'est des rencontres en fait, c'est des rencontres qui font ça t'intéresse pas. CKRL-NF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagnon. Mais moi, je suis plutôt... En fait, c'est rare quand même de me chercher parce que je suis quand même un peu organisateur des choses. Ok, c'est toi qui provoques là. Beaucoup. En tout cas, même quand je fais partie d'un truc... T'es un genre de leader. Oui, en tout cas, je fais partie un peu du mouvement lead. D'un mouvement leader, ouais. Je suis pas forcément le leader, mais je fais partie du mouvement. Oui. C'est-à-dire qu'avant j'avais une compagnie qui s'appelait Le Petit Monde, j'étais leader plus ou moins leader de ça, en espérant qu'on était plusieurs. J'ai arrêté parce que ça s'essoufflait. Et après on m'a demandé, ah, tu veux pas monter des structures? J'avais dit non. J'ai dit non. En fait je remonte des choses mais sans structure. Après je trouve des structures déjà existantes pour parce que c'était un travail assez long. Même si je fais le travail, créer une structure pour faire vivre ça, c'est lourd. Mais toi enfin, est-ce que tu étais fasciné par le cirque, Ah oui. Comme tous les enfants. Le cabaret, le cirque, tout quoi. C'est le cinéma. Côté... Oui, mais c'est le côté magique aussi, le cirque. Oui, carrément. Bah, d'ailleurs, avec les frérots, des fois, on accompagne. Moi, j'ai travaillé pour un cirque, qui s'appelait Créolan Circus, mais qui était une école de cirque, et j'étais prof d'éveil théâtral. Ok. Pendant plusieurs années. Et des fois, on les accompagne avec les frérots, on accompagne les numéros de cirque avec nos chansons. Au Québec, dans les années 70, il y a une troupe qui se sont appelés le Grand Cirque Ordinaire. C'est beau comme nom. Ah oui, le Grand Cirque Ordinaire. Ah ouais. Ouais. Le Grand Cirque Ordinaire, c'est pas mal. Oui, parce que le Grand Cirque, mais ouais. Ordinaire. Okay. Là, c'est comme nous, l'énorme cirque Orangino. Ben c'est ça, c'est pour ça que je le fais. L'énorme. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, si t'as entendu parler de l'énorme festival Fromage de Chèvre. Non, c'est un festival qui se trouve qui est fin juillet, qui est organisé par Christian Pacou, Armel Dumoulin, okay. Toute l'équipe et aussi les gens de là-bas, de la Buissonnière. Et en fait, un jour, nous jouions justement le spectacle de rue à Mirepoix et ça s'appelait l'énorme festival des fromages de chèvre. Moi, j'envoyais des messages aux copains. Et donc, et ben Orange et moi, et du coup, j'ai signé l'énorme, on était dans un cirque avec Orange, cirque Orangino. Et c'est parti de là. Deux mois après, on part à Berlin. Et des caméras, des gens qui disent « Ah, j'ai une caméra en 16 mm, est-ce qu'on peut filmer ?» Ils filment, ils font le montage, ils me disent « Comment on appelle ça ?» Et c'est parti de là, le cabaret est parti d'une histoire assez comme ça, de rencontres et de circonstances. C'est merveilleux, il n'y a pas de hasard. Hein? Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et du coup, on devait faire ça un spectacle à 5, mais le cabaret, on se retrouve à 15. Mais bon, enfin bon, et les gens ont envie de participer. Es-tu un garçon qui s'éblouit facilement ? Es-tu un bon spectateur ? Oui, c'est... Non, je ne suis pas très... Je regarde un truc, si ça ne me plaît pas trop... Je dirais jamais que c'est mauvais, je dirais ça m'a pas touché quoi. Ouais, ça m'a pas touché, mais le travail est là. Ah oui, oui, bah oui, il y a tout là-bas. Après, l'auteur, si c'est mal écrit, c'est sûr que c'est mal écrit. Les artistes ne peuvent rien. C'est le choix du metteur en scène qui a déconné. Hein. En travaillant comme ça avec plusieurs personnes, il y en a qui t'intéressent un peu moins. Tu te dis, oh ben lui, je travaillerai plus avec parce que ça colle pas, ça colle pas. Ouais, est-ce que ça arrive souvent? Non, ça arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Et là, tu peux les repérer avant, donc ça se produit un peu moins. Non, les gens, tu dis, oh, je bosserai avec eux sur ce projet-là, mais je les inviterai pas à bosser sur un projet. Okay. Parce que j'ai dit, oui, je vais rendre mon projet à terme, mais après ça. Oui, non, mais on leur demandera pas. Hein? C'est normal, comme certains ne me demanderont pas que je vienne parce que je ne conviendrai pas. Hein? C'est normal. Est-ce que ça t'arrive de prendre des vacances? Oui. Non, rarement, vraiment rarement. Mm. Pratiquement jamais. À long terme. Mais en fait, après, on a des périodes où on a une semaine de libre ou trois jours de libre. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien? Des fois, je fais rien. Ça fait du bien? Ou je m'occupe de ce qui va se passer après. Ah oui, ben là, tu travailles. Oui, mais bon. Mais là, c'est plus bureaucratique. Donc, toi, juste changer de chemise. Toi. Chez toi. C'est ça, juste changer de chemise, ça te fait croire que tu es en vacances. Oui, celle-là, je suis parti en vacances. Ça, si, je pars avec une amie et deux amis en mois de février, parce que j'ai bloqué, ça y est, ouais, bon. Au Togo. Oh oui, au Togo. Non, non, alors, en interview. Mais c'est où ça, le Togo? Comment? Au Togo. Ouais, au Togo. C'est où? C'est dans une ville qui s'appelle Lomé. C'est en Afrique. Okay. Et donc, je les accompagne et je dis, ah, comme ça, je vais prendre 15 jours. Au moins, tu vas pouvoir. C'est parce que je faisais la trompette et j'avais donné justement à ces amis qui connaissaient assez bien, cette région. J'avais donné une trompette à un jeune là-bas. Ça me permet de le rencontrer en même temps. Alors, lui, grâce à toi, il a pratiqué. Il avait une trompette qui était prêtée par l'église et du coup, il avait gardé le salaire à Lomé, c'était un jeune garçon. Et le salaire, il a gardé un peu de sous pour se payer une trompette et donc on lui ramenait. Et moi, je lui dis, maintenant, je lui offre. Mais comment tu ne veux pas avoir Internet? Comment tu tiens au courant de ça? Ah, bah, pareil, si, sur Internet. Ok, ah oui. Bien sûr. Okay. Si, puis non, c'est des gens que mes amis connaissaient. J'ai rencontré, ils m'ont demandé, tu n'as pas quelqu'un qui pourrait donner ou vendre une trompette pas chère? J'en ai une, ma première trompette, Christian Boom. Voilà, au moins il a sa propre trompette. Oui, voilà. Mais c'est fabuleux, c'est merveilleux. Bah oui, c'est cool. Comme ça, je vais le rencontrer en même temps. Tu vas voir sa progression. Oui, puis j'ai la mienne. On va faire un duo. Mais c'est pas mal. Alors, c'est ces rencontres-là, mais c'est aussi ta générosité qui fait. Bah, j'avais trois trompettes, je vais pas vendre une trompette que j'utilise plus. Ouais. Puis c'est pour les. Et puis c'est bien. Quand j'ai appris qu'il avait gardé trois mois de salaire, ou pas tout, mais une partie pour se payer ça, le mec, on n'est pas comme en France, ils ont pas forcément les moyens de. C'est dur quoi. Oui, mais oui, c'est dur. Et puis elle n'est pas neuve. Mais en même temps, on voit bien que tu as le côté, ça te sert bien de la transmission. Ah bah oui, carrément, bien sûr. Bien sûr. J'espère que lui il va me montrer des trucs que je connais pas. Oui, justement, c'est un échange. Oui, c'est ça. C'est ça l'échange. Peut-être qu'il est plus virtuose que toi. Peut-être. Super. Mais non, mais au moins, j'ai découvert des. Ah, je sais pas, il doit avoir 19 ans, 20 ans. Ah, c'est bien. C'est un geste humaniste. Oui, mais il y a un côté où je suis content d'aller le rencontrer en même temps. Curiosité. Et du coup, il y a une forme de contact qui est déjà prise. Il m'a déjà remercié via Internet. Et du coup, il sait que je vais venir, je crois. Il pratique actuellement là. Bah, il pratique, il a une. Je crois qu'il a une fanfare. Okay. Il joue avec une fanfare. Ah, c'est bien. Donc du coup je vais prendre ma trompette, je vais m'amuser avec eux. Ah ben oui, tu vas faire partie du groupe. Oui, mais là c'est en vacances. Ah oui. Là c'est vacances. C'est vrai. C'est plaisir. Oui, c'est plaisir. Hey, j'ai 10 questions, puis j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Vas-y. Si tu étais un liquide. Un liquide. Vaisselle. Ah oui, ok, ouais. C'est rafraîchissant l'été. Oui, et puis c'est bien, ça nettoie. Ah oui, ça nettoie, exactement. C'est une ville. Une ville? Saint-Pétersbourg. Pourquoi? Parce que j'y suis allé et je trouve que cette ville, c'est une ville de palais. C'est joli. Ah oui, c'est beau. Ouais. C'est très beau. C'est un peu carte postale. Mais... Oui, c'est carte postale, mais quand t'es dedans, t'es... Wow! Ouais. Mais je pourrais dire aussi n'importe quelle ville, mais ça là, c'est parce qu'elle m'est venue à l'idée. Ouais. Parce que j'ai envie d'y retourner. Si tu étais... Est-ce que tu... Refaites toujours le circuit ou si tu essaies de modifier la trajectoire? Je fais suivre et je suis suiveur. Donc j'ai pas de choix. Soit je suis et à la fois on me suit. Alors tu voyages beaucoup? Ouais, j'aime bien. C'est ce qui te plaît aussi dans ce Ouais, c'est ça. Après, des fois. C'est fou, c'est épuisant. Ouais. Repartir demain matin, là, c'est pas. J'aurais bien pris une journée. Hein. Ah oui. Enfin bon. Ouais. Ce sera plus calme après. Ouais, je sais pas quand, mais ce sera plus calme après. Ouais, on y pensera plus tard et on rigolera. Hein. Si tu étais une langue. Une langue parlée. Une langue arabe. L'arabe. Le parles-tu? Hein? Le parles-tu? Le parles-tu? Non, pas du tout. Mais j'aimerais bien. Je trouve ça joli. C'est vrai, il y a des belles consonances. Ouais, il y a une consonance, c'est doux. C'est vrai. Si tu étais une époque. Ah! 150. Ah ouais. Ouais, le moment. D'où la chanson. L'après-guerre, quoi. Ouais. Pas la guerre, mais l'après-guerre. Non, ouais, c'est mieux après. Où arrive le jazz et tout. Ah oui, ben oui, les cabarets. Les cabarets, ça, le jazz. La mode aussi, hein. Oui, la mode, les mouvements, complètement cinglés, les azules et tout. C'est vrai. Même si c'était un petit peu avant. Mais il y avait. Oui, cette période-là. L'effervescence, hein, quelque chose. Ouais. Mais à Paris, pas ah non. Mais pas en province. Okay. À Paris. Ouais. Si tu étais un mot. Un quoi? Un mot. Je serais bonne table. Table. Table. Ouais. Avec beaucoup de choses dessus. Ouais, de, là. Beaucoup de choses. Et du liquide. Oh, et l'ensemble. L'ensemble, c'est parti. C'est un ensemble. Ah, mais ça tombe bien parce que la prochaine question, si tu étais un aliment. Un aliment. Ah, un aliment, je serais du gingembre. Du gingembre. Parce que ça peut agrémenter. Parce que j'adore le gingembre et c'est ça soigne. Oui, ça. On dit que le gingembre, ça. Ça prévient la grippe. C'est ça. Je sais pas. En tout cas, ça répare. Ça fait du bien, ça nettoie. Nettoie. Si tu étais une saison. L'été. Tu supportes bien le soleil, la chaleur? Le soleil, même pas trop, mais moi, je l'aime beaucoup. OK, pourquoi il t'aime pas trop? Ben, je sais pas, je crois d'avoir une peau assez blanche. OK, ah oui, c'est vrai. C'est une histoire. Je suis souvent en short, pas là, mais je suis souvent en short et... Le visage est pas rouge? Ouais, bah si, moi, là, je suis obligé de porter une casquette parce que sinon je tape, mais je sais pas. Ils ne se racontent pas tout en détail leurs copines, leurs derniers chandails. Ils n'ont pas besoin de tout se dire, c'est dans les yeux qu'ils savent se lire. Quand l'un de boit, bah l'autre écoute. Les colères, les bêtises, les doutes. Y a pas de jugement, pas de critique. L'inverse est vrai en toute logique. des frérots, des poteaux, pas de sang mais de sens. Pas le même ADN dans les veines, mais le même oui à la vie même. Leur petit monde est poétique, y'a pas thune mais de la musique. Y'a Brassens, Ferré ou Leprest, y'a de la chanson à texte. En cas de blues, ils gobent la lune. Au bistrot, les copains d'infortune. La bière, le piano dans un coin. Font patienter jusqu'à demain. Des frérots, des poteaux, pas de sang mais de sens. Pas le même ADN dans les veines, mais le même oui à la vie même. Les squats, les dettes et la galère. Manger des pâtes en sauce aux pierres. 10 ans qu'il n'y a pas de rond à la banque. Ils ont choisi d'être saltimbanque. Ils vivent la nuit, le jour aussi. Dormir, c'est pas aimer la vie. Les mains dans les poches, sous les yeux. Ils n'ont pas songé à vivre vieux. Des frérots, des poteaux, pas de sang mais de sens. Pas le même ADN dans les veines, mais le même oui à la vie même. Ils aiment chanter, alors ils chantent dans les troquets ou les trocantes. C'est pas le zénith et quand bien même l'Olympia c'est l'année prochaine. C'est que pour eux la vie est belle, pas ce qu'il y a dans la gamelle. Si c'est mal vu, ils en sont fiers. Ils sont trouvés libres et frères. Des frérots, des poteaux, pas de sang mais de sens. Pas le même ADN dans les veines, mais le même oui à la vie même. Des frérots, des poteaux, pas de sang mais de sens. Pas le même ADN dans les veines, mais le même oui à la vie même. Des frérots, des poteaux. T'as la peau qui... Ouais, c'est fragile. Mais j'adore le soleil. Ouais. Je préfère ça. C'est... Ouais. En plus, c'est l'énergie. C'est l'énergie. C'est vitamine. Oui, oui. Puis en plus, pour un travail de rue, il faut avoir du soleil, la pluie, c'est... Ouais. Est-ce que vous jouez quand... Ouais. Bah là, quand on a joué à Fusion, Festival Fusion, on jouait à 15h, en plein soleil. Et puis on jouait aussi la nuit, à 2h du matin. Un peu de sommeil entre les deux. On finit à 5h du matin. Mais c'est bien. Mais peu de sommeil, mais 15h, c'était. Là, on était programmé à 15h la nuit où on avait le choix. Mais là, le public à 2h du matin, c'est qui? Ah, bah, c'est un festival qui s'appelle Fusion, c'est un des plus gros festivals. Qui roule 24h sur 24. Ah, oui, qui est poum, poum, poum. Un peu comme Woodstock, là. Ah, oui, c'est ça. Mais c'est 80 000 personnes. Hein. Et c'est fermé, c'est un des plus gros festivals allemands. Et on faisait des parades de nuit. C'est énorme. C'est intéressant. Ah, c'était super lourd. Puis les gens sont là, c'est un peu comme les gens qui sont festifs. Ah, bah, ils sont festifs, ça, c'est sûr. Ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais. Mais c'est pas violent, c'est juste. Non. Okay. Non, c'est joyeux. Ok, si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Un petit doigt. Un petit doigt, ok. Ben oui. Si tu étais. On m'a l'a jamais fait celle-là. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. Minuit. Pour. Parce que c'est le côté où il y a encore du bruit et du silence. Et on est vraiment entre les deux. Et ça change de journée. Et ça change de journée. Et la nuit c'est calme et juste avant c'est bruyant. Et c'est le côté où on est vraiment dans la transition de dire il y a encore un peu de bruit à minuit, puis après, silence total. C'est vrai. Les gens se posent. Les gens se posent, dorment ou sont beaucoup plus calmes. Ou pas. Ça dépend, ouais, ça dépend de la soirée. Oui, exactement. Et de la journée. Et de la journée. Si tu étais un autre individu. Si j'étais quoi? Un autre individu. J'aurais bien aimé être écrivain ou pianiste. Ok. Et pourquoi pas les deux? Ouais, ben oui. Parce que c'est. Je trouve ça classe. Un peu la brésilien, quoi. Ah, ouais. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oui. Oui, je. De toute façon, oui. J'aurais peut-être. Parce que, en fait, oui, c'est ça. Je voulais apprendre, moi, quand j'étais môme, j'ai fait la trompette, mais mes parents n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas m'emmener à 30 km de là. C'était 70-80, quoi. Ils ne pouvaient pas m'emmener. Et du coup, ma première prof de musique, elle jouait du clavecin. Mmh. Et j'étais, je vais faire ça. C'est beau, le clavecin. Mais après, même c'était pas que ça, même du piano. Mais le piano, c'était très difficile. Donc, je me suis rabattu un peu la trompette dans mon village. Et j'ai arrêté la trompette pendant des années, et puis le groupe m'a demandé de reprendre. Je ne suis pas un très bon, très loin d'être un très bon, trompettiste. Je me débrouille, mais je ne suis pas très bon. J'avoue. Tout le monde le sait, de toute façon, ça se voit. Mais ça s'entend, mais est-ce que tu pratiques souvent? Parce que ce n'est pas un instrument qu'on peut jouer dans un appartement, parce que les voisins vont... Si, mais moi j'habite en banlieue, c'est une maison, ça va. Mais non, je pratique pas assez. Je pratique simplement pour jouer dans les spectacles, quoi. Donc je le bosse pour ça. Mais je suis pas un amoureux de la trompette. Okay. J'aime bien le son de la trompette. Ouais. Mais je suis un peu poil dans la main pour les instruments. Ouais. Mais c'est quand même assez complexe pour la bouche, la trompette. C'est pas si facile que ça. Non. Boris Vian en jouait, mais... Clairement, il en jouait bien. Oui, il en jouait bien, oui. Mais clairement. C'était son instrument aussi. Bien sûr. Ouais. Plein. Je suis très bien joué. Je suis là. Oh là là. Il y a quelque chose. Mais bon... On peut pas être Boris Vian. Non, puis je sais pas. C'est... Oui, je crois que j'ai un peu dans la main pour les instruments. As-tu beaucoup de projets? De projets? Non. Non? Non, je suis... je suis la vie, en fait. Vraiment. Alors, es-tu du genre c'est j'ai des projets forcément qui se mettent en place. Oui. Par contre, quand je dis quelque chose, je le fais. Ok. Mais je m'avance pas. Non, mais c'est bien réfléchi. Là, tu ne lances pas une boutade. Non. Et si, des fois, je lance une boutade, je dis « Ah, je l'ai dit. Ah, ok. Oh, je me suis mis dans la merde. Ah, bah, je vais le faire. » Et je le fais. Ouais. Bien ou pas bien, mais je le fais. Après, je ne sais pas le résultat, mais... Mais je le fais. Mais en même temps, tu roules sur plusieurs fronts à la fois, donc c'est pour ça que tu peux pas vraiment non plus projeter. Puisque... Oui, puis comme je t'ai dit, les projets perso, je travaille beaucoup en... J'y penserais peut-être un jour, dire tiens, un projet personnel, pourquoi pas. Mais je suis plutôt quelqu'un qui travaille dans des groupes. Pour le plaisir de la troupe, les potes. Ouais, peut-être par peur, je sais pas, je me suis jamais trop posé la question, mais... J'ai toujours fait comme ça, donc ça s'est toujours amené à moi comme ça, donc je sais pas trop, je me pose pas trop de questions en fait. Après j'ai des moments de dire, bon allez, pourquoi j'arrêterais pas ce métier, faire autre chose, pour voir, changer de vie totalement, pour voir ce que ça peut donner. On peut se poser cette question. Il y a un tournant de notre vie, hein. Voilà. À l'approche de la cinquantaine. Oui, c'est ça, mais comme je m'approche, là j'ai 46 ans, je m'approche de la cinquantaine. Me poser cette question et en fait, c'est une question qui passe et tu continues. Mais c'est ça quand t'as la flamme, quand t'as... Oui. Oui, puis à un moment t'as épuisé. Oui, c'est ça, c'est de là viennent les idées. Le fait de travailler, quand tu travailles tout seul, t'es maître de toi. Quand tu travailles plusieurs, des fois, c'est énervant. C'est énervant aussi. C'est joyeux et énervant tu subis forcément, les autres te subissent et toi tu subis les autres. Donc c'est... Est-ce que tu te vois à long terme? Est-ce que tu te vois à long terme? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que par peur ou par... Je sais pas. Non, je n'arrive pas à visualiser plus tard. Dans 5 ans, dans 10 ans? Non, je sais pas. Alors, tu es dans l'instant présent? Ouais. C'est peut-être la meilleure totalement. Chose? Parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. Ouais. Non, mais je me vois pas. Je me suis jamais... Tiens, dans 5 ans, je ferai ça. OK. Et tu te vois pas non plus dans 5 ans? Ah, ben, j'aimerais bien me rendre là. Non. Ah, c'est dernièrement, si, j'ai dit à ma 50e année, j'irai fêter mon anniversaire à Djerba, en Tunisie, chez des amis. Mais c'est le seul truc, parce que je suis sorti ça comme ça, okay. Et je vais le faire. Ça, c'est dans ta vie personnelle, mais dans ton travail, t'as pas de... As-tu des projections? À part monter le cabaret de l'énorme cirque en Gino, de continuer les frérots, la sortie du disque des frérots, C'est déjà beaucoup, parce qu'après ça, vous allez tourner. Oui, puis le dessus qui tourne. Et monter peut-être un truc plus léger, je sais pas. Mais comme mon planning est assez plein, c'est difficile de... Ouais, déjà, si j'avais les trois bien remplis, ouais. C'est déjà pas mal. Mais comme tu sors un nouvel album bientôt, oui. Là, avec le groupe, oui, oui. Est-ce qu'il y a des chansons qui vont tomber parce que ça colle plus, parce que ça fonctionne plus, ou parce que c'est commence à s'user quand même? Oh, nous, les chansons, on les fait longtemps, on les malaxe, on les tord. Okay, puis à un moment, on travaille par trois chansons, on a trois chansons qui arrivent d'un coup. Ça n'arrive jamais par seul, en fait. Okay. C'est marrant, c'est toujours été comme ça, mais je crois que c'est une façon qu'on a de travailler avec Arnaud Roman, qui est comme ça, en fait. On a toujours fonctionné comme ça. Et toi, à quel endroit tu te situes dans ce groupe-là? Est-ce que tu amènes des idées? Est-ce que tu amènes des sujets? Ou si tu laisses les autres? Oui, non, les sujets, des fois, on trouve avec Arnaud, justement, c'est surtout Arnaud et moi. Hein. C'est des musiciens, mais ils sont extraordinaires. Ils sont parfaits, ils sont extraordinaires, tous. Et surtout Arnaud et moi, et des fois, ils me proposent une chanson, puis des fois, on parle d'un thème, et il dit « Ah, j'écris bien une chanson, et je lui donne un titre », et ça part comme ça. On parle un peu. Est-ce que c'est souvent dans l'improvisation, quand vous commencez à jouer, que les mots peuvent arriver puis, Non. Non, okay. Non, il y a vraiment une écriture notable. Après l'interprétation, oui. Ok. C'est-à-dire ouais, l'interprétation, comme moi je suis plutôt devant, Arnaud est sur le côté et tout ça, c'est plutôt moi à Arnaud, hein, mais j'interprète beaucoup. Mm-hmm. Parce que je ne peux pas m'en empêcher. Ah oui, c'est ça. Tu veux te mêler. Oui, je fais partie de ces gens qui interprètent pas naturellement, si peut-être naturellement, je sais pas, on est, dès qu'on est, hein, je sais pas, je peux pas chanter comme ça sans rien faire. Ouais, effectivement, il faut que ça vive, c'est ton côté comédien qui... Bah ouais, je pense que ça sort. Est-ce que c'est plus facile de faire des chansons aujourd'hui, parce que là vous êtes rendu à votre troisième album, ou si à l'époque les sujets arrivaient plus facilement, est-ce que la compétition... En fait, avant on prenait les chansons qui existaient déjà. Ok. L'interprétation. Oui, du coup on interprétait totalement les chansons. Avec le temps, l'écriture venant, les rencontres avec les auteurs venant, on leur a demandé d'écrire, et des fois on reçoit des chansons, des fois on en reçoit beaucoup puis on les prend pas. Hein. Des fois ça me dit bah non, on les essaye. C'est déjà arrivé qu'on bosse les chansons, qu'on les présente sur scène et puis on les garde pas. Saint-Victor, je souhaite au Victor une joyeuse fête. Aux noces de ma sœur, tous mes vœux de bonheur, je me creuse pas la tête. Aux amis en deuil, je présente l'arme à l'œil, mes condoléances. À chaque événement, son petit ou grand mot de circonstance. Mais depuis quelque temps, régulièrement, je reste en carafe. Je ne sais pas quoi dire et comme je sais pas mentir, bah je fais des gaffes. Dites-moi s'il vous plaît, par pitié, quelle est la bonne procédure quand de jeunes parents vous présentent fièrement leur progéniture. Je ne sais pas quoi dire et comme je sais pas mentir, je ne sais pas quoi dire et comme je sais pas mentir. Bah du coup je fais des gaffes. Devant moi gigote dans une couche culotte un bout de chair informe, avec pas de cheveux, plein de veines toutes bleues et des yeux énormes. Autour du berceau, papa, maman, gâteau, câline le mioche, me demande mon avis, ça ressemble à E.T. en un peu moins moche. Je sais pas quoi dire et comme je sais pas mentir, je sais pas quoi dire et comme je sais pas mentir, bah du coup je fais des gaffes. Si je m'hasarde à dire sans prendre garde, elle est mignonne, elle a un petit air de Daniel Gilbert, en un peu moins conne, légèrement vexée, les lèvres pincées, la mère me répond. Tu vois le truc qui pendouille? Ouais. Ce sont des couilles. Ah, parce que c'est un petit garçon? Bah oui. Oh bah, il est mignon. Ah, il est mignon, il est... Et j'ai fait les gaffes. Moins risqué si je me lance dans le jeu des comparatifs. En hochant la tête, sérieux, je décrète l'air affirmatif. À n'en pas douter, ce petit bébé a les yeux de son père. Ce dernier me répond, c'est une adoption. Ah, et tu l'as payé cher. Je sais pas quoi dire et comme je sais pas mentir. Je sais pas quoi dire et comme je sais pas mentir. Bah du coup je fais des gaffes. L'autre jour un vieux pote me présente Charlotte, sa petite dernière, qui au lieu de me saluer préférait téter les seins de sa mère. À un moment, le papa me demande: tu trouves pas ça mignon tout plein? Si, ils sont très jolis, fermes et bien remplis, et ça tient dans la main. Hein, non, non, quoi, non, quoi, le bébé. Ah, le bébé. Ah, bon, il est mignon, bébé. Il est. Et je fais des gaffes. Du coup, maintenant, je replace par quelques grimaces les premiers contacts. Je fais des papouches, des potes, je chatouille, mais toujours avec tact. Ah, goutou, goutou, arre, arre, gna, gna, gna, gna, gna. À chaque fois, le marmot éclate en sanglots et va pleurer sa mère. Comme je suis pas sa mère, ben je sais pas quoi faire. Et comme je suis pas sa mère, ben je sais pas quoi faire. Comme je suis pas sa mère, ben je sais pas quoi faire. Et comme je suis pas sa mère, du coup, je fous des baffes. Parfois, j'imagine entre deux comptines les présentations entre moi, hagard, et un petit étard qui portera mon nom. Il est des instants où rien ne vaut tant qu'un joli silence. À chaque événement, son petit ou grand mot de circonstance. J'aurais pas quoi dire. J'aurais pas quoi dire. J'aurais pas quoi dire. Est-ce qu'il y a un consensus ou... C'est rare, mais c'est, ça non, arrive. Mais vous savez que ça fonctionne pas, donc... Mais est-ce qu'il y a un consensus ou s'il y en a un qui aimerait... Ça se fait... Généralement, ça se fait assez vite. OK. C'est surtout Arnaud et moi, des frérots, hein, okay, qui décidons les chansons. Parce qu'on a monté le groupe à deux au départ, et ouais, après les sont arrivés après, pardon. Et du coup, ça se fait un peu assez vite, assez naturellement. On se dit, ah, ouais, je sens pas. Ok, pas moi non plus. Ben surtout, en étant là depuis longtemps, c'est votre troisième album, vous savez un peu à quoi ça rime. Vous avez déjà le son, vous savez à quel endroit ça se dirige. Ça. Oui, clairement. Mais c'est étrange, c'est des histoires. Ouais, puis je trouve que c'est beau. Par exemple, nos deux voix avec Arnaud vont bien ensemble, on fait du ping-pong avec on vient un peu des anciens des groupes, des duos d'hommes, quoi. Ah oui. Il y en a eu plein à une époque, qui disparaît un peu. Nous, ouais, on est vraiment un duo d'hommes, accompagné par des musiciens, mais on voit, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment, on fait du ping-pong. Mais est-ce que vous mêlez aussi l'art dramatique? Est-ce qu'il y a des blagues? Est-ce qu'il y a des genres de tirades qui sont lancées? Bien sûr. Entre les chansons, oui. Pour enchaîner sur l'autre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben oui, on sort des trucs, voilà. Après, ça marche, des fois, ça marche pas. Oui. C'est, okay. Et puis, il y a un feeling, des fois, ça marche bien, l'autre est fatigué, donc il... Et vous la repassez le soir après, ou si vous changez complètement? Des fois, on garde, des fois, on change. Des fois, il y a des trucs qui arrivent, des fois, il y a des trucs qui repartent. Et c'est juste par le regard, souvent, là. Oui, puis si on est là, des fois, on s'entend bien, des fois, on s'entend moins bien. La fatigue est dans aussi. La fatigue, puis... Ben, c'est mieux, quoi, ça change tout le temps. Oui, c'est ça. Là, on voit l'énergie, hein. Oui. Et puis la concentration quand tu travailles à deux ou à quatre n'est pas la même en même temps. À quatre, il faut être. Oui, et puis à deux, tu peux t'amuser. Oui. Des fois, tu t'amuses un peu. Il y a plus d'improvisation, voilà. Il y a plus de folie. Mais des fois, ça marche. Ouais. Mais des fois, ça plombe. Mm-hmm. La bombe. Il faut le dire, ça plombe. Allez, on y va. Mais vous n'avez pas peur aussi de vous tromper en direct, parce que c'est ça, c'est un spectacle vivant. Ouais. On peut se tromper. Moi, les gens sont là. C'est... Moi, j'ai pas peur. Non, nous non plus. On a l'habitude. En fait, c'est ça. Quand tu assumes, comme disait Piaf, il disait un truc. Bon, je me suis planté déjà 7 fois hier, j'espère qu'aujourd'hui je vais réussir. Et elle a réussi, elle a repris 3 fois le même morceau, elle a chanté. C'est elle a chanté entièrement. Ouais. Ouais. Et elle a dit naturellement. Ouais. Si c'est assumé. C'est vrai. Il faut être honnête. Ouais, t'es là, bon, on s'est planté, ça va tout le monde. Bon, ouais. Allez, bon, je vais vous le faire là, je vais pas me planter. Parce que je me plante, Mais il faut l'assumer. Faut pas avoir peur, parce que plus tu as peur, plus tu vas te planter. C'est comme si quand tu réfléchis à ta chanson, quand tu réfléchis au texte de ta chanson, tu te plantes. Oui, c'est vrai. Mais lorsque vous montez sur scène, est-ce que c'est quelques minutes avant que vous allez vous proposer un schéma d'action? Non, la conduite est écrite avant. OK. Bah, des fois, c'est arrivé 5 minutes avant. Mais tu m'as dit tout à l'heure que ça arrivait de changer de chanson. Oui, par exemple, quand on sent que la salle n'est pas réceptive et puis que ce morceau ne marchera pas, on dit bon, on passe à une autre. Okay. On passe à celle d'après, mais la conduite est déjà écrite. Et des fois, c'est déjà arrivé aussi. Allez, on rajoute celle-là, ils en veulent. Et qui n'était pas prévu dans le programme. Est-ce que ça t'arrive ou est-ce que tu cherches ça, le côté non pas hypnotique, mais transcendez-le. Est-ce que ça t'arrive quand tu chantes de te sentir emporté par... Oui, ça m'arrive. De plus savoir où tu te trouves et t'es dans... Ah, quand même pas, c'est juste okay. Où je suis, mais... La transe, est-ce que tu mais cherches... Mais oui, des fois, ça me prend... C'est magique, la transe. C'est l'émotion. Oui, c'est magique. C'est l'émotion qui est calme. Des fois, la salle aussi, oui. Dépendant de la salle. Oui, l'écoute ou... Ou toi, dans quelle ouais. Position, dans quel sentiment. Et puis, ça dépend du texte, de chanson. Comme une chanson, par exemple, qui est écrite par... J'ai demandé à Claudine Lebeg, qui est une chanteuse très, très bien... C'est super, son texte, son écriture est merveilleuse. Et elle nous a écrit une chanson, et puis je lui ai dit, écoute, par contre, Claudine, si tu peux nous écrire une chanson, je veux pas que ce soit une chanson d'amour. Bon, je t'aime. Oh, c'est bien, et puis ça a été déjà été dit. Et elle a quand même écrit, tu peux revenir, et à la fin, la chanson dit, toujours, tu le diras... Elle dit qu'on ne parlera jamais d'amour, tu vois. Alors c'est une anti-chanson d'amour. Et c'est une histoire d'amour, c'est une chanson d'amour, d'amitié, d'ensemble. Okay. C'est extraordinaire. Ah oui, parce qu'elle, elle l'a pris autrement. Elle l'a pris autrement, mais elle a voulu me faire une blague. Okay, ils veulent pas de chanson d'amour, mais on va leur faire une anti-chanson d'amour. Une anti-chanson d'amour qui devient une chanson d'amour. Ah oui, c'est exactement. C'est ça, elle est très bien jouée. Puis c'est une mise en abîme aussi, c'est de parler d'un sujet, l'amour, on va mettre l'amour en... Et souvent on demande à des auteurs d'écrire, ils nous demandent mais quoi, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive. Et nous, on n'a pas de thème, à part que c'est un duo de chansons à quatre, mais c'est difficile de trouver même des thèmes... Et des fois, ils se trouvent. Il y en a qui sont plus inspirés, il y en a d'autres oui, qui sont oui, puis des fois, ils n'y arrivent pas. On a très peu de chansons de femmes. Par regret. Hein? C'est-tu par regret, oui, parce que les femmes viennent pas... Oui, faudrait qu'on trouve plus des auteurs femmes, comme Claudine, pour faire un mix vraiment de tout ça, parce que... Mais je pense que les chansons peuvent être chantées par une femme et chantées par des hommes. Moi, justement... J'espère ça, justement, que les chansons peuvent être chantées par les deux. C'est vrai. Unisex. Des chansons unisex. Ce qui serait bien. Après, on change le elle, le il. Ah oui, ça c'est vrai. Mais si c'est changeable, ça peut être changeable. Oh, ouais, c'est pas mais c'est bien quand c'est chanté par les deux sexes. Parce que l'émotion, elle est universelle. Oh oui, mais une émotion d'homme et une émotion de femme, c'est deux. Oui, voilà. Mais oui, mais des fois, il y a quand même y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Oui. Ouais. On les appuie un peu moins, c'est vrai. Mais c'est la même chose, ça met tout ce mélange. Est-ce que tu travailles aussi dans le duo? Est-ce que l'autre musicien chante avec toi? Oui, c'est lui qui compose beaucoup. C'est lui le l'axe principal des frérots. Moi, je suis le second, mais il compose, il écrit, il chante. Après, je travaille les mélodies avec lui. Des fois, quand ça, une mélodie ne va pas, je lui dis non, ça ne va pas, change. Alors, vous êtes les premiers spectateurs. Bien sûr. Lui en est un. Et oui. Je suis le deuxième, je regarde, sinon ça ne va pas bien, puis il change. Êtes-vous de plus en plus difficile? Parce que là, quand même, ça fait trois albums, on veut progresser, alors vous êtes de plus en plus difficile. Oui, vous en jetez, vous jetez plus. Ah, bon, j'ai beaucoup. J'ai beaucoup, on essaye. Bah oui, parce que c'est. Des fois, il y a un mot qui me dérange. Je dis, ce mot, il est pas bien, c'est comme on a une... Il est mal placé. Ouais, c'est comme on a une chanson d'Alain Lepresse qui nous avait écrite, Alain... Alain Lepresse. Oui, mais surtout qu'on l'a pas réussi à mettre en musique, on a essayé plusieurs fois et ça ne convenait jamais. Là, on va pouvoir le faire, je pense qu'on va essayer de trouver quand même. Mais pourquoi tu ne la dis pas? Eh bien, justement. Voilà. C'est l'idée. Et Arnaud dit non, ça faut que ce soit une chanson, moi je dis non, il faut que ce soit un texte dit, accompagné musicalement derrière. Et on est en désaccord là-dessus et on ne trouve pas. Et c'est drôle parce qu'il nous avait sorti, Alain, il nous avait sorti le... En quelle année Deux ans avant, ça un petit peu avant, trois ans. Parce qu'il nous avait sorti le titre deux ans avant. Mmh. Et à un moment, on chantait dans un livre qui s'appelait Le Goblin. Comme ça, il était là, il écrivait en même temps. Et à la fin du truc, il me dit, voilà, bon, on va revoir la chanson, mais pour l'instant, donc elle n'a pas été revue. Quelle inspiration ce bonhomme. Ouais, et c'est « Ta femme m'a quitté ». C'est génial. Oui. C'est une histoire de duo, justement, qui dit à l'autre, « Ta femme m'a quitté, toi, te quitte pour quelqu'un d'autre aussi. » Ce gars-là me touche incroyablement. Moi, je considère que c'est plutôt un texte qui était plutôt parlé, mis en musique derrière, ouais. Un peu à Bernard Dimet. Oui, bah oui, ok. Voilà, qui faisait ça parfaitement. Ouais. Mais on a essayé quand même de mettre plusieurs musiques. Qui est méconnu malheureusement. Hein. C'est dommage, pourtant on est dans son fief là. À Montmartre, voilà. Oui, on est dedans. Dans son fief. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et donc on a cette chanson Surtout Signal et le Prest. Oui, mais c'est pas en toi, tu t'en balances. C'est pas une très grande chanson d'Alain, quand même. Mais c'est rigolo. Ouais. C'est drôle. Ouais. C'est une belle petite. Oui, ben, c'est ça. C'est une rigolote. Il est capable de rebondir avec un mot. Et c'est là que tu vois. Mais en fait, on devait le revoir, on devait le mettre en musique et revoir avec lui. Ok. Il était d'accord pour qu'on retouche un peu le truc. Hein. Il nous l'avait dit. Vous me présentez après ce que vous avez retouché. Ce qui est bien d'ailleurs. Oh oui, parce que, oui. Parce que c'est un être tellement ouvert, c'est un gars qui était voilà. Prêt à tout. Et figé, puis on savait bien. Oui. Cocadis, amanite, sahel, chrysanthème, canine, morsure, varicelle, migale, tarentule, épine, porte-avion, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amidale, pavot, vérole, aspirine, échymose, ortie, sanglot, carabine, carmélite, chavelle, les trois petits cochons. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Guillotine, cirrhose, nuit blanche, lâcheton de fête, mirador, stasi, siphon, baïonnette, fleurimérogis, la rue, l'horiston. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Gamora, péplum, cyanure, mafioso, Tiananmen, amen, rasoir et ciseaux, rosti, Vatican, Jean-Marie, mormon. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, dollar et sébile, ouragan, menottes, acide, Tchernobyl, atome et neutron, neurone et citron. Et toi? C'est quoi ton petit nom? C'est dommage, il fallait interviewer aussi Fantine. Non, mais pourquoi? Parce que Fantine, ouais, elle chante sa fille. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, faudrait peut-être que je la rencontre l'année prochaine. Ouais. Mais Alain Lepresse, c'est quand même le chanteur le plus oublié aujourd'hui. C'est ce qui l'a tué un peu aussi, le succès ne venant pas. Mais il a comme une belle reconnaissance. Des fois, c'est pas le. Mais après sa mort. Des fois, c'est pas en étant. Agnès Bill, tout ce monde-là. Oui, bah oui. Mais des fois, c'est bien aussi, parce que le gros succès... De toute façon, c'est ce que je recherche plus, là. Bah, excuse-moi, la radio et tout ça, ils recherchent plutôt le côté complètement... On enferme des gens dans une forme de musicalité où il n'y a aucune parole. Pour les... allez, ça vende, on s'en fout de ce qu'ils disent dedans. C'est ça, c'est ce qui est dommage, parce que, à part des radios qui défendent ça, mais c'est pas des radios de grande écoute énormes. Non, c'est des radios libertaires. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est... Du coup, les gens ne connaissent pas. Non. Il faut être curieux, hein. C'est ça qui manque aujourd'hui, c'est la curiosité. Il faut être curieux. Tu sens aussi de ton côté que les gens ne vont pas assez voir ce qui n'est pas commercial. Oui. Ben, c'est pour ça que moi, j'aime bien faire le côté. Moi, j'aime bien faire des concerts là, et pas forcément des grosses salles. J'aimerais bien. Mais ce serait pas toi, non? Non. Moi, j'aime bien contact direct. Mais des fois, ça peut aller, là, mais... Non, il faudrait que ce soit 50-50. Ouais, c'est ça. Voilà. Les grosses salles, les petites... Un peu comme vous faisiez Cora Vauquer. Ah oui. Cora Vauquer, elle faisait des grandes salles immenses, c'est et lendemain, elle se retrouvait dans un bougouille. Hein, c'est vrai. Et ça, c'était l'esprit des années 50. Mais c'est une école en soi. C'est une école en soi. Est-ce que tu as... Chansonnier. On parlait de transmission tantôt. Est-ce que, éventuellement, tu veux aider les autres, être professeur? Tu l'as déjà fait, mais veux-tu revenir à ça? aiguiller certains jeunes qui... Avec Arnaud, justement, avec les frérots, on fait des ateliers d'écriture, d'écriture avec notamment des comme fait Pacou avec les centres fermés, tout ça. Nous, on a fait ça plutôt pour des EDS, des centres sociaux, et aussi pour une association SPR, que je salue. Ils sont une association contre l'illettrisme sur Paris, et on a monté des ateliers avec eux, c'était formidable. L'intérêt, bon, la chanson, c'est l'atelier d'écriture avec Arnaud, et moi je m'occupais du côté, tu lèves la tête et tu dis ton texte. Présence scénique. Parce que les gens qui sont complètement fermés dans leur solitude, si tu fais comme ça, la chanson quelque part ne vient qu'un prétexte. Ouais. L'important, c'est qu'ils lèvent la tête et qu'ils te regardent et qu'ils te parlent. Ouais. C'est peut-être aussi la gêne de certains de se recroqueviller. Le fait d'aller sur scène avec des musiciens, les frérots, tous les musiciens des frérots accompagnaient ces gens-là, de se retrouver avec, comme fait Pacou au Festival des fromages de chèvre. Ouais. Tous les musiciens du festival accompagnent des gens qui... j'admire leur travail, qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ouais, c'est ça, ça c'est important. Ça très important. Le cri est un début d'un chant. Et là, ça va se passer là, au festival. Alors la transmission. Moi, j'y serai pas, mais ça, c'est, c'est de la transmission. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que dans les années qui viennent, tu veux retransmettre. Ah oui, mais nous, on va continuer avec Arnaud, on cherche des ateliers. Mais déjà là, en donnant la trompette, c'est donner la retransmission. Oui, ouais. Voilà. Mais dans les ateliers qu'on veut faire avec Arnaud, qu'on veut continuer à faire, on est aussi enrichi que... Mais oui, puis c'est bien de voir des jeunes qui, ou des moins jeunes qui veulent aller plus loin dans leur art. Bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. Puis c'est bien. Ah oui, c'est bien. Puis on est là, ouais. En larmes. Oui, c'est ça l'émotion. Moi, avant la première, je suis aussi flippé qu'eux. T'es traqueux. Oui, parce qu'on espère qu'ils vont réussir. Et ils réussissent généralement très bien. Ouais. C'est de savoir contrôler, de savoir... Mais c'est génial. Oui. Mais tu sais, quand il y a le public, c'est là qu'il le traque, le son du public. Ouais, et puis même le sentiment, même si ça ne chante pas très bien. Le fait de lever la tête, de chanter, c'est ça qui est bon. Exactement. C'est peut-être plus important d'ailleurs que de chanter vraiment bien. L'interprétation? Oui. Même l'émotion, ça ressort. C'est vrai. Jane Birkin en est pour quelque chose. Bien sûr. Oui, mais ça fait sa carrière. Hein? Ben, ça fait son truc. Ouais. Mon chess. Gino, merci. Merci à toi. Merci, Renan. T'es généreux et merci. Et je savais. J'ai vu qu'il y avait plein de photos. Il est là. Les photos du sourire. C'est ça, exactement. Mais vraiment, t'es un troubadour. Eh ben écoute, tu sais quoi, je te demande, tu vas me passer tes coordonnées, je t'envoie les CD des frérots. Oui, je t'envoie ça. Et je t'envoie les infos. Je t'envoie ça par Facebook. Ah ben super. Ok, alors je t'envoie ça au courant de la nuit. Eh ben très bien. Mais prends ton temps. Oui, non, mais moi ce soir là, j'ai des contrats à faire, des machins. Mais en tout cas, tu vas l'avoir sur ton Facebook. Oui, carrément. Alors, dans le courriel. Ben tu vois, là, c'est bon là. Messenger, tout Oui, mais moi j'ai encore le vieux téléphone qui fonctionne uniquement. Il n'y a pas d'internet là-dessus. Ah ouais. Oh oui, je me refuse d'avoir un téléphone intelligent. Je veux pas qu'il me dépasse. Je vais prendre des photos. Oui, ça marche. Mais, non, mais tu restes là. Ouais. Oh, tu restes là. Okay. C'est moi qui me déplace. Attends, je vais me lever. Ah, tu veux te lever. Ok. Quand même, on va se lever. Ce côté scénique. Ok. Alors, comment ça marche? Mais comme ça. On prend des photos et... Ok. Oh, la pauvre tranquille. Voilà. Retour de ça. Dernière. Coucou. Merci de ta générosité. Hein. Bah, merci à toi. Puis ça tombait très bien. Maintenant, tu m'as dit, toi, j'étais entre le 5 et le 7. Entre le 31 et le 7. Ouais. Puis en fait, voilà. Toi, ça tombe très bien. Ben, on essaie de trouver un moment. Oui, puis moi, c'est vraiment les périodes où. Où ça fonctionne. Normalement, parce qu'on a eu des changements de programme, mais normalement, je ne rentrais pas pendant un mois et demi. Là, Et en fait, il y a eu des changements. Donc, mais c'est fou de revenir ici juste pour une journée puis repartir après. On part pas avec le même spectacle. Okay. On part avec un deuxième spectacle. Puis c'est avec une autre troupe. C'est la même troupe, mais on devait ramener le spectacle. Là, on était à Annecy, mais on part dans le Nord après, donc on dépose une journée. Tu vas chercher les accessoires. Oui, les accessoires du deuxième spectacle, du premier spectacle qu'on a monté. Et les accessoires, est-ce que c'est toi qui les fais ou tu fais ça? C'est nous. OK. Alors, c'est très... Moi, je suis pas très bricoleur. OK. Mais on a la directrice de... Il y a plusieurs directeurs dedans, puis il y a des gens qui savent très bien faire. Et les sous, c'est vos sous pour les accessoires, vous les payez pour pas les Vous avez un compte en commun Ouais, on a des marges compagnie avec le salaire pour payer ça, les demandes de subventions pour les aider sur les créations. Quoi. Est-ce que le gouvernement est frileux ou si on subventionne facilement? De quoi? Est-ce que le gouvernement subventionne ou si il est frileux? Bah, des fois, oui, ils font des aides. C'est plutôt des aides. Okay. Mais des aides, c'est quoi? C'est de l'argent qui prête? Des aides au salaire, des aides. Okay. On remplit des dossiers, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis des fois on prend des marges compagnie un peu plus, on vend et pour avoir une marge pour pouvoir payer justement financer le prochain spectacle. Ben oui. Mais bon, c'est pas des grandes fortunes. Hein. Non, mais au moins c'est un peu d'argent. Mais au moins c'est un peu d'argent. Mais construction, rien que de faire de la com, machin. Ben dis-nous, je vais te laisser parce que t'as tellement de choses à faire. Puis bon, on dit merde pour les spectacles à venir. Je te fais la bise, Renate. Pardon? Je te fais la bise. Oui, puis je m'occupe de payer. Ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. T'as dû avoir une fortune, t'as dû dépenser une fortune déjà. C'est juste un café, ça fait plaisir. Bon. Voilà, ne t'en fais pas. Bon. Puis en plus, tu vas m'envoyer 3 CD, donc écoute. Oui, je vais d'abord t'envoyer 2. Ok, oui, puis le troisième à venir. Le troisième, voilà. Parfait. Mais les deux, regarde, tu les as payés, ça t'a coûté cher. C'est sûr, parce que ça te coûtait cher. C'est 4 euros. Quand même. Mais multiplié par 50. Ah oui, mais ça, écoute, c'est une année de travail aussi de mise à côté. Je mets de l'argent à côté. Je t'envoie ça le plus vite possible. Parfait, tu m'envoies l'adresse. Moi, ouais, c'est fini, mais presse-toi pas. Ouais, pour que je te fais ça la semaine prochaine, j'ai 2-3 jours. Excellent, merci. Ouais, hey, ciao, merci. Salut. Ils n'ont pas tous de compte en banque, les copains qui viennent chez nous. Et c'est bien souvent qu'il leur manque 4 francs pour faire 100 sous. Quand on n'est pas un richissime, on ne peut s'entourer de fleurs. Ce sont les fleurs de la Chopine qui parfument leur pauvre cœur. Ce sont les fleurs de la Chopine qui parfument leur pauvre cœur. Car ils n'ont pas tous un beau langage, les copains qui viennent chez nous. Quand ils déballent leurs bagages, il y a bien des gens qui font l'amour. Mais pour s'offrir un dictionnaire, quand on sait le prix du papier, il faut être propriétaire avec tapis sur le palier. Il faut être propriétaire avec tapis sur le palier. Mais ils n'ont pas tous un frais costume, les copains qui viennent chez nous. Mais de six chiffons où le rhume peut se nicher à tous les coups. Ils n'ont pas de boutons de manchette ni de plis à leurs pantalons. Et cachent au creux de leurs chaussettes bien des trous qui en disent long. Et cachent au creux de leurs chaussettes bien des trous qui en disent long, long. Mais ils ont tous des yeux étranges, les copains qui viennent chez nous. J'oserais dire des yeux d'ange s'ils n'étaient pas si souvent sous. Des yeux qui font quand on les croise l'effet d'un coup à l'estomac. C'est pourquoi je paie leur ardoise au bistrot où je ne bois pas. C'est pourquoi je paie leur ardoise au bistrot où je ne bois pas. Car s'ils n'ont pas de compte en banque, les copains qui viennent chez nous. Si le beau langage leur manque, s'ils ne coiffent pas chapeau mou, rien n'empêchera qu'ils espèrent vivre un jour comme de vrais pachas. Tout arrive, disait grand-père, et bienvenue sans qu'on la cherchât. Tout arrive, disait grand-père, elle est bienvenue la queue du chat. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.